Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. En direct près du pont de Papineau, Mais narrated 3 près étoiles. Près du pont Papineau, ouais. Qui devrait être 3.5 ou 3 étoiles sur Facebook. Je pense qu'il est en dessous du 3. Oui, on l'a baissé. Il est baissé en bas du 3. Là. Allez, laissez vos commentaires. Moi, j'étais bien dessus. Il n'y a pas de Wi-Fi quand je suis pas dans le trafic le matin. Donc, vous écoutez l'épisode 53 du Geek Collectif, votre source de divertissement et de dérapage. Premier épisode de 2015. Mon nom est André Paquette, votre animateur depuis maintenant 2 ans. Accompagné de deux bons Jack, les deux autres mousquetaires des trois, mais on n'a pas de D'Artagnan. Non, en fait, Nick, c'est D'Artagnan. Mais ce soir... Il est comme pas là tout le temps. Mais c'est quel le vieux expérimenté qui fait juste apparaître à la fin des combats pour sauver le monde? Ça doit être Nick, ça. Mais c'est ça, c'est quel vieux... Vieux corps. Vieux expérimenté, c'est le mieux. Fait que Jonathan Milter et Éric Hébert, bonsoir les boys. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Ouais, oui. Passez un bon temps des fêtes. Oui. Là, je me pose une question. On est le 10 janvier. On a-t-il encore le droit de se souhaiter bonne année? Ou faut... Mais nous autres, on n'a pas le choix. Si je me fie à une caricature qui aurait dû être dans le Charlie Hebdo que j'ai vu, c'est très d'actualité, excusez d'amener ça sur le sujet, mais on a jusqu'à fin janvier pour se souhaiter des vœux. Donc, bonne année, donc, messieurs. Oui. La santé... Le succès, des likes sur Facebook, oui. Des views sur YouTube, du gamer score ou des trophies, tout dépendant parce qu'on discrimine pas le monde. Ou non. Des abonne-toi. Ou des abonne-toi. C'est une Wii U. C'est une Wii U, ben, tu sais. Des stickers dans Mario Kart, tu sais. Elle est bonne, cette bière, là. IPA, hein, ouais. Comment ça va, Milter? Très bien. Ouais. Toi, Eric? Très bien. On se pense qu'on se répète, là. On s'est dit qu'on se va, on va très bien. Ça fait 3 fois, mais c'est parce que je suis comme déstabilisé. Ça faisait quoi? Mais toi, André, ça va bien? Semaines, moi, ça va très bien. Good. Passé un bon temps des fêtes? J'ai passé un excellent temps des fêtes. Merci. Cool. Fait que... Le Père Noël était bon? Là, je me dis... T'as peur. Là, tu me mets dans l'eau chaude, Eric, puis je t'explique pourquoi. Est-ce que je brise le cœur de ses enfants? Ou... Quels enfants? Quels enfants? Ben, ceux qui croient au Père Noël, là, parce qu'il n'existe pas le calice de Père Noël. Hein? Fait que là, toutes les j'ai juste demandé si t'étais... Ça ne doit même pas être adressé à un caca qui écoute, justement. Tu fais juste le Père Noël. C'est pas grave, je le couperai au montage ou je vais le laisser dedans, comme que je fais toujours. Ouais. Mais ouais, le Père Noël, il a été joyeux avec moi cette année. J'ai eu des beaux cadeaux. J'ai eu une caméra pour mon PlayStation. Oh. J'ai eu une copie d'un livre que je vois ici du coin, puis j'aimerais bien ça. Je vais vous le montrer tantôt. Sith Way. Ben, ouais. The Sith Way puis The Jedi Way. Fait que t'as comme le code des Jedi puis le code des Sith dans une belle reliure ensemble que j'ai trouvé cool. J'ai eu The Art of Deception de Kevin Mitnick aussi. Cool. Que ça, j'ai hâte de le lire. Ça faisait longtemps que je voulais le lire. Fait que non, ça des petits cadeaux, du fun de même. Puis ça a été le fun, là. Vous autres? Bon, il était correct, le Père Noël. Là. Bon, on a été relax. J'ai eu un peu de linge, un peu de. Oh! Peut-être de gin. Non, un baggy d'Heineken aussi. Ah, ça, j'ai vu une photo de ton gars avec le baggy d'Heineken. Mon gars, il l'aimait bien. Il faisait des câlins au baggy. Ça commence bien. Puis, non, c'est pas vrai, il l'aimait pas. Il me regardait tout croche. Je lui disais, attends, je vais juste prendre une photo. Là, tiens ça. Puis, non, je vais jouer avec mes Lego. Mais, non, ça. Ben du fun en famille, là. Il y avait ben des parties, 3-4 soupers un peu partout, gros temps épuisant, reçu du monde chez nous pour le jour de l'an. Ah, je te comprends, j'ai reçu pour la première fois de ma vie cette année, puis c'est de la job, hein? Non, c'est rough, là. Tu sais, quand t'es jeune, tu t'en rends pas compte de ça, puis à un moment donné, tu fais ton Noël, mais tu sais, j'ai déjà reçu pour Noël, mais tu sais, là, j'ai reçu cette année, tu sais, avec le ragoût, les tourtières. Le, j'ai fait un jambon à l'ananas, puis tu sais, c'est. Ouais. Jambon à l'ananas en passant, là, il y a du monde qui me dit, hey, c'est-tu ça, c'est pour Pâques, mais fuck you, man, c'est bon Noël, pareil, ouais, le jambon à l'ananas. Moi, on fait une lasagne, fuck that. Fuck not giving a fuck. Les autres places où que je vois, puis des affaires de même, des tourtières, là, tu sais. Oui, il y en avait une tourtière, là, mais il y avait aussi de la lasagne, plein de. C'est cool, c'était un repas italien parce que ma femme est italienne, puis ma famille est hongroise, fait que ma famille, quand ils sont venus, ils ont t'as comme amené des affaires. Y a-tu un duel de la meilleure saucisse, genre? Non, c'est ma tante, elle a fait les saucisses, ma soeur a fait les genres de pâtes au bacon hongroise. OK. Font toutes les moujaillis, toute la bouffe hongroise. Ben, pourtant, il y a du bacon. Il y a du bacon, mais c'est tout le reste qui est entouré, qui entoure le bacon. Genre, tant qu'à ça, je vais manger le bacon, tout ça. Mais en tout cas. Cool. C'est cool pareil. Toi, Eric, l'Ontario cette année ou t'es non, resté? Non, j'ai pas eu la chance de faire. Ben, j'ai fait Gatineau là, pour voir ma soeur et sa fille, cool. ses enfants et sa famille. Mais j'ai passé un Noël à Montréal un peu entre. Parce que les gens qui me connaissent, vous savez, je travaille en vente au détail. Fait que. Disons que le mois de décembre, là, si je travaille en vente au détail, je pense que je me répète à chaque année maintenant, mais gros respect, shout out. Là. On Cheers. Travaille comme le Chris, ouais. On t'en fait en vacances. Ouais, c'est ça, là, c'est ça. Plein de monde retourne, puis moi, je suis comme tabarnak, un autre 4-5 mois de chill. C'est ça. Là, on peut se relaxer. Ouais, non, c'est ça. Noël à Montréal, on a eu les échanges de cadeaux comme qu'on fait. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais échange de cadeaux avec les cartes. Puis, ouais. Mais cette année, il y a eu un petit changement assez drôle ou une ironie assez drôle. Mon beau-père puis son frère dans leurs cadeaux non voulus, parce que t'as les nouveaux cadeaux puis les cadeaux non voulus, puis tout le monde arrive un cadeau secret non voulu, les deux, ça je vous bullshit absolument pas, puis c'est un petit peu retardé, mais les deux ils ont apporté deux dildos que les deux ont trouvé sur la rue, puis que les deux ils ont décidé d'envelopper puis de donner à l'échange de cadeaux cette année. Il y a juste moi, puis je m'excuse de faire ça. Puis c'est tellement ça, la même histoire des deux, là. Mais go, vas-y, là. Parce que faut. Tout OK. Peu importe la joke, peu importe mais le c'est... potentiel, je trouve un dildo dans la rue, il reste là. Ouais. Ben, je le prends pas, je le touche eux, pas. Ils ont je trouvé ça drôle, puis ils l'ont pris. Il y en a même un qui a un dessin dessus d'un visage avec un sourire, puis une cravate. C'est sûrement quelque chose qui mais s'est fait promener pendant joke, un ouais, comme c'est ça, je pense que ça c'est comme un bachelor party, ouais, quelqu'un l'a trouvé sûr, un restant. Mais le père de ma femme que j'aime bien gros, vraiment bon Jack, mais lui c'était vraiment comme une affaire de c'est un qui colle là, un gros en tout cas. Puis un suction cup au bout. Puis il y a plein de comme ça s'est fait passer puis tout le monde a ri, puis j'ai vu une grand-mère de dans ces années 80 rire en regardant un dildo, puis c'était très drôle. Okay. À regarder ou... Non, ben, c'est parce qu'elle riait, c'est juste de la folie. Anyways, fait que ça, c'est arrivé. Ben, tu sais, tu dis ça, mais moi, j'ai déjà trouvé, quand que je travaillais au centre d'achat dans le temps, puis il fallait que je traverse un genre de viaduc, si on peut dire. Là. Ben, dans le fond, pour aller chez nous, fallait que je passe en dessous du viaduc, il y avait un petit tunnel, mais ça allait plus vite des fois si je passais direct sur l'autoroute. Fait que j'ai déjà fait une fois, puis ça a donné que cette fois-là, j'ai trouvé un genre de vieux VHS porn... Mais tu sais, dans le temps, c'était des grosses boîtes là, comme des programmes d'ordinateur. Là. Puis genre, je marchais sur le bord de l'autoroute, puis j'ai trouvé ça, puis j'ai fait comme, pourquoi que c'est là, genre? Fait que je l'ai ramassé, puis vu que j'ai checké la boîte, ben vite, puis j'ai vu que c'était des affaires de touffes de poils qui montent jusqu'au nombril, puis qui vont en arrière des genoux. Ben j'ai pris la boîte, puis il y avait le VHS dedans encore, je l'ai mis sur le lit à mon coloc. Fait que quand il est arrivé, il a vu ça, il est parti à rire pis tout, mais là il me dit, Chris, c'est où t'as pogné ça? Je l'ai pogné sur le bord de la rue, sur le bord de l'autoroute. Fait que là il fait comme, wesh, t'es allé calisser ça sur mon lit en plus. Comme, oh, j'ai pas pensé à ça. Hey, ce qui est dégueulasse en plus, c'est qu'il y avait le verre d'eau juste à côté, c'est... où il met son dentier. Mais c'est comme, pourquoi que ça s'est ramassé sur le bord de la rue? Genre, quelqu'un il l'a calissé par la fenêtre, comme, je voulais s'en débarrasser, là, des preuves, genre, là. Je peux pas le jeter dans le bac à recyclage, ma femme va le voir. Je vais l'amener ah, c'est comme... matin, je vais le crisser par la fenêtre du le monde a des habitudes vraiment weird avec leur porn ou leur jouet. Quand j'ai commencé ma carrière fulgurante du domaine du club vidéo, je me souviens, j'avais un club vidéo où les gens venaient et déchiraient l'endo des pochettes, puis après ça ils sortaient dans la rue puis ils faisaient comme oh, en voulant dire comme oh mon dieu t'es game, t'es allé déchirer l'endo ouais, de la pochette, t'as un petit bout de porn, pis tu sais t'avais ce monde là que tu sais eux autres c'était comme un challenge, pis t'avais l'autre gars que j'ai été obligé de sortir avec la police parce qu'il se crossait dans le porn room. Ouais, Ah oh, ouais, carrément. C'était un peu malaisant. Mais merci à mon beau-père et son frère pour apporter un dildo. Je me demandais où c'était aligné avec ça. Non, mais... Ton segway était un peu, tu sais. Je l'ai sorti de voir avec la police. Merci ouais. à mon beau-père pour... Mais à part ça, moi, le Père Noël, il était bon. Ouais, le Père Noël, il était bon. Vraiment bon, j'étais bien gâté. Il a le dildo. C'est ça que t'es en train de dire. J'ai... Non. Il a fini avec les deux. C'est ça. Bon. Non, j'ai fini avec une couple de petits jouets, des choses comme ça. J'ai été chanceux avec... Il n'y a pas de moyen de s'en sauver. Bon. Ma femme m'a surpris avec des billets pour U2 pour leur tournée. Oh shit! J'ai jamais été à un show de U2, fait que j'ai bien hâte de voir ça. Elle a eu gratis en achetant un iPod. Non, elle s'est fait tomber sous pression à Job. Là, ils ont décidé de donner. Ils l'ont convaincu que ça serait une bonne idée de m'acheter ça. Puis c'est ça. Moi, U2, ça a toujours été une band que j'appréciais. Elle existe. Ils sont bons, U2. Mais j'ai toujours entendu parler de leur show. Hein, puis ça... C'est pas comme si, écoute, en 2014, ils ont fait un scandale en poussant leur album gratuit à tout le monde. Non. Mais c'est un bon band. Fuck hey, it. Un show de U2, ça doit être le fun. Ouais, je sais pas. Sure que oui. Milter, toi, t'aimes U2. Si mais t'as un poster de Drum Rattle, ben ouais. Rattle the Drum, whatever. Rattle and Hum, ouais. Come on. Mais t'avais un poster de ça chez il vous. Il est énorme. En arrière de mon divan, tout le monde l'a vu quand. Ce qui est cool, c'est qu'il est signé par Ringo Starr en plus. C'est un plus. Ouais. Puis ouais. Le chanteur de Mais là, ok, en fait, tant des fêtes, on oui. a reçu. Il y a du monde qui ont fait des jeux louches avec des dildos, je pointe pas personne. Mais qu'est-ce qui s'est passé de bon, d'actualité concrète? Vous faites de quoi de spécial? Y a-tu. Moi, ben, gars, m'a y aller, hein. Ben, t'avais de l'air bien parti. Je vais revenir un peu sur mes sujets habituels. T'as joué au Xbox? J'ai joué au Xbox. Fuck! Puis il y a eu le jeu du mois gratis. C'était Worms en décembre. Cool. C'est encore Worms en janvier. Merci Xbox. Puis ils ont rajouté, c'était quoi? D4 de Dead Dreams Don't Die. Ouais, le jeu de Suda 54 Dark ou whatever. Dead Dreams ou je sais pas. Moi, c'est quoi? Il y a quelqu'un, je l'ai downloadé parce que c'est gratis. J'ai downloadé tout. J'ai même pas joué encore, mais ça me motive plus ou moins parce que dans le temps, je me souviens quand il est sorti puis qu'il fallait l'acheter, j'ai regardé les images puis les vidéos juste pour voir puis j'ai fait comme « Ah, ça a l'air de la merde, je vais jamais acheter ça. » Fait comme de fait, je l'ai pas acheté, il est gratis. Puis là, il y a quelqu'un qui me dit que le jeu, il est optimisé Kinect en plus. Fait que là, je ne sais pas si je vais swinguer devant ma Kinect là, des mains puis essayer de résoudre des mystères quelconques ou je sais pas quoi, là, mais en gros, c'est de la merde. Ça ne m'attire pas pantoute. Ça a fait... Non, mais t'as-tu découvert c'était quoi, Kinect, finalement? Ou... Ben, non, la Kinect. J'ai pas essayé dessus. J'ai même pas joué au jeu encore. J'ai juste downloadé. Il me tente tellement pas, là, tellement qu'il y a de l'air pas. Je vais l'essayer bientôt, mais c'est juste pour dire à quel point ils ont encore des astuces de choix de merde. Mais le jeu, quand même, là, faut que tu le vois comme un jeu de série B qui est conscient, là. Oh, et si Deadly Premonition? Ouais, c'est Swery, là, c'est le même dude. Là. Ah, Deadly Premonition, c'est que ça a du potentiel, ce jeu-là. C'était quand même cool. Mais c'était bon. Moi, qu'est-ce que j'ai entendu comme feedback par des personnes qui sont habituellement très hardcore? Ils arrêtaient pas de dire comment est-ce que ce jeu-là, c'est un chef-d'œuvre. Comme tout le monde que je connais, qui sont vraiment calés. Faut que tu joues, là. Je vais l'essayer. Là, pour l'instant, je dis que c'est de la merde, mais c'est juste parce qu'il m'attire aucunement. Les images qu'il nous montre, la description du jeu, il est mal vendu, peut-être. Là. Il est peut-être écœurant. Ouais. Mais je vais en reparler quand je vais jouer, là. Mais c'est juste pour dire que je suis un peu déçu des choix qu'il donne pour l'Xbox. Il me semble que c'est Noël, là. Il aurait pu faire assez fort. Au moins tu pouvais te connecter sur Xbox Live, tu sais, c'était déjà bon en partant. Oui, non, parce que ça c'était un autre point, je m'en ai dit, j'ai joué beaucoup encore à GTA, parce que le jeu est interminable, je l'ai fini à 100% dernièrement encore au Xbox One, mais là je pousse ma note, puis je vais chercher mes achievements, puis j'ai découvert, parce que je sais pas si on avait parlé ou l'avait dit, il y a des animaux dans GTA 5 à cette heure. Quoi? Des animaux. Il y a beaucoup d'animaux. Comme les chats et les chiens. Ça, puis... qui sont dans la vie normale du jeu. Okay. Mais tu peux pogner, il y a 27 peyote, des cactus, là, peyote cactus, là, genre là, des cactus hallucinogènes. Là. Puis là, tu manges le cactus, puis dépendant où c'est que t'es, il y a du land, air, puis water, là, tu sais, les classiques animaux. Fait que si t'en pognes un sur le bord d'une falaise, mais il y a des bonnes chances que ce soit air. Fait que là, tu te transformes en mouette, puis tu peux... voler, glider, chier, parce que tu peux faire aerial attack, fait que tu passes en haut du monde, puis tu leur chies dessus, genre. Puis jusqu'à temps que tu payes ça sur le piton pour arrêter l'hallucination ou que tu meurs parce que tu t'es cassé dans un mur ou quelque chose de même, en oiseau ou un chien. Je sais pas combien de fois j'ai traversé la rue en tant que chien puis je m'ai fait ramasser par un char. Fait que ça, c'est des easter eggs cachés dans GTA. Là. Des easter eggs. Puis quand j'ai trouvé, là, parce que là, j'ai les ai pognés, puis c'était plus juste genre, il y en a un puis c'est le fun. C'était un de 27. Fait que là, j'étais oh, tabarnak. Fait que le completionniste en toi. Les tocs qui ont embarqué, genre, il a fallu que je le complète. Mais là, quand j'avais fini mes animaux, j'étais rendu à 26 sur 27. J'étais comme, bon, là, je vais avoir fini pour de vrai. Mais je pogne le 26e animal, puis juste à côté, il y a un petit genre d'affaire qui ressemble à une pilule ou de quoi géante blanche. Je pogne ça, puis là, ça me dit 1 de 10 Epsilon Tract. Mais ça, c'est des pamphlets, dans le fond, de la secte dans GTA. Okay. Là, j'ai fait, ah, oh, tabarnak. 1 de 10, ça veut dire qu'il y en a 9 autres à pogner qui sont cachés en quelque part. Puis j'ai jamais même entendu parler de ça par personne, genre, sur Internet, là, qu'est-ce que ça. Fait que là, j'ai commencé à checker, puis j'ai trouvé des vidéos de monde qu'ils ont trouvé. Là, je capotais. Mais ça sert à quoi? Ça te donne un achievement? Ça, t'as même pas d'achievement, mais ça t'ouvre d'autres modes, d'autres bouts de story, genre, si on peut dire. Mais du side story qui complète. Mais tu ramasses toutes les affaires, puis à chaque fois que t'en ramasses un, t'as reçu un email, un message texte d'une fille de la secte qui te donne des indices, puis tout, vers l'illumination complète. Puis quand que t'es toutes, c'est en gros, c'est une grosse joke qui est dans le jeu, genre, mais okay. C'est comme du méga easter egg poussé qui rajoute du gameplay écœurant. Puis là où que j'ai trouvé ça cool, que j'ai découvert par après, il y a des monkey art, monsieur, puis c'est quoi le nom exact là, mais c'est des petites faces de singe, puis c'est carrément un tribute à l'artiste Space Invader que t'as déjà parlé, Space me semble. Invader, ouais. Mais lui, tu sais, il fait avec toutes des ouais, c'est du pixel art, lui, avec des morceaux des de céramique. Des cubes rubriques, me semble, qu'il faisait au début. Il prenait des carrés de cubes rubriques. Je sais pas s'il a changé pour des morceaux ben là, de céramique. Ben écoute, ça peut être des morceaux de céramique ou des affaires en même. En tout cas, là, c'est mais... des petits carrés oh, qui ouais. Fait des pixels, là. Mais pixel art. Là, c'est comme des faces de singe, mais qui ressemblent étrangement à l'envers et plus détaillé à Space Invader que ce qu'il faisait au début, genre. Fait que c'est des genres de carrés qui sont postés dans la ville. Mais moi, je n'avais vu un déjà, puis j'avais juste trouvé ça cool. J'étais comme un graph de singe, genre, mais j'avais pas cliqué de le prendre en photo. Mais là, si je prends les 50, je suis rendu à 10, genre. Si je trouve les 50, puis j'ai pris les 50 en photo, ça m'unlock l'artiste carrément dans le jeu, qu'il y a eu, il y a d'autres missions ou je sais pas quoi. Fait que tu sais, c'est comme, ça continue, là, j'ai fini le jeu à 100%, mais il y a encore des affaires que je trouve c'est quand même assez intense, arrière, c'est là, je trouve ça écœurant. Puis juste à cause de ça, j'ai le goût de pogner le random event de l'artiste qui est... Il paraît que quand t'as les 50, tu peux le rencontrer en arrière d'un les Lost Customs, les shops de ouais. Chars modifiés, là. Puis il est en train de faire un graph, justement, puis de coller son or ou de quoi, genre. Puis tu le rencontres là, après avoir trouvé les 50, parce que sinon, nice. T'entends juste parler de lui... Quand tu checkes l'internet de GTA, là, je m'ai rendu compte que c'est complet là, l'information là-dessus. Là, c'est... Fait que c'est un genre de incroyable. Banksy qui se promène dans le monde de GTA 4. Là. GTA 5. Ouais, GTA 5. Plus Space Invader carrément à cause de l'or, là, mais Banksy, ça serait plus carrément des tapissés sur le mur, là, si on peut dire. Là. Mais okay. C'est carrément du pixel art dans GTA. Comme c'est cool, ça. Puis j'ai découvert ça hier ou avant-hier, je pense. Là, puis j'étais comme, wow, quelle belle... référence culturelle rajoutée dans le next gen, genre là, parce que c'était pas dans le 360 ça là. Ça c'est une de mes questions, c'est tout du stock ça, contenu c'est exclusif au next gen. L'autre affaire aussi que je disais c'est exclusif, les tracks là, de Epsilon, ça c'est exclusif, les animaux c'est exclusif, puis il y a une autre mission que j'ai su, il y a une secte de gars tout nus, ben des gars pas de bobette, c'est très spécial, c'est un camp fermé genre dans GTA, il y a juste Trevor qui peut y aller. Puis sinon, les Come autres on. Sont tués. Puis c'est des gars en camisole, genre, ou en chemise. Ils ont tous des chandails habillés bien normal, mais ils ont aucun pantalon, genre, là. Puis ils se promènent tout à poil, la graine à l'air, tu vois tout, là. C'est vraiment spécial. Puis tu peux... Vraiment? Ouais, ouais, non, mais c'est drôle. Ils sont tenus. Ils sont juste le bas, là. Ils ont du linge sur le top, puis des chapeaux, tu sais, tout. Mais ils ont juste jamais de pantalon, les gars. Puis c'est juste des gars dans le sec, là. Y a tu pas me de fais filles, penser, là. Quand on avait joué à Daisy un moment donné, puis on avait croisé le gars... Ben, non, mais on avait croisé un gars un moment donné, puis il disait comme je suis comme Jésus ressuscité, puis je m'en vais à l'église, venez-vous avec moi, puis c'était comme la Church of No Pants. Il fallait tout dropper nos culottes, puis là on le protégeait, il disait qu'il était le prophète. Mais tu sais, c'est comme l'aspect multiplayer de DayZ, tu croises un gars, fait que le gars, c'est pas codé dans le jeu, c'est un gars qui est chez eux, Puis le gars, il s'en vient nous voir, puis un bonhomme, tu sais, c'est un Bambi, là. Il a rien, il a pas de linge, puis il avait tout droppé son linge. Il était en t-shirt, pas en bobette, puis il dit, garde, venez-vous avec moi, je m'en vais à l'église. Puis on le protégeait, puis t'as du monde qui voulait tuer le prophète. Mais un moment donné, c'est comme on croisait du monde dans la rue, puis comme, venez-vous on s'en va à l'église. On t'a rendu 15 à peu près de même. Tout le monde le reconnaît. Mais c'est drôle. Mais c'est une secte quasiment de même dans le jeu quand tu y penses. Là. Ils sont tous à poil. Puis... Sauf que ce qui est drôle, c'est que quand tu peux ramener des. Mettons, il y a des events que tu rencontres un gars chaud, genre, ou qui fait 10 pouces, bon, puis ouais. Il te demande tu veux-tu me faire un lift. T'sais? Mais lui, à la place de l'amener à sa maison, tu peux l'amener à la secte, puis tu fais un sacrifice. Non, ils font un sacrifice avec. Je sais pas c'est quoi le sacrifice, là, parce qu'ils te le montrent pas. Mais tu le donnes à la secte, puis eux autres, ils te donnent genre de l'argent. Mais après 4, je l'ai pas fait encore, je viens de le savoir, mais après 4 personnes que tu amènes comme sacrifice, ils veulent essayer de te kidnapper toi pour te sacrifier. Puis t'es Trevor, fait que tu pètes un carnage total dans la secte, puis tu gagnes des gars pas de culottes. Fait que là, ma prochaine affaire après l'artiste, les belles dessins, genre 8 bits, ben, ça va être de trouver des personnes à amener à sa secte. Ça, tu vas le mettre sur Twitch quand tu vas être rendu là? Je mets déjà bien des bouts que je filme. Ils sont pas sur Twitch nécessairement parce que je trouve ça louche avec le Xbox. Quand tu Twitch, tu peux pas recorder, tu peux pas faire un Xbox okay. Record date. Fait que je suis plus porté à enregistrer mes bons bouts. Puis à cette heure, j'ai comme maîtrisé l'art de me partir une vidéo de 5 minutes. De faire de quoi de cool. Nice. Fait que dans le fond, GTA, il y a encore du stock à faire. Il y a encore du stock à faire. Puis, il y a une affaire à cause des serveurs de Noël, de Lizard Squad. Rockstar, je trouve qu'ils auraient pu prolonger leur affaire. Ils ont fait un update qui était, je pense, du 23 décembre. Ah, il y avait de la neige. Au 5 janvier, des sweaters. Il y avait de la neige. Ils donnaient du linge, ils donnaient des masques qui sont tous été enlevés. Les masques puis le linge que tu avais qui était gratis. Mais là, tu peux plus l'accéder dans ton locker. Il va réapparaître l'année prochaine. Mais j'étais un peu déçu. Ah. Mais puis mon ami, il avait un foulard rouge de Noël, mais ça, il le mettait juste parce qu'il fitait bien avec son bonhomme, là, tu sais. Ouais. Puis il l'a pu, là. Fait qu'il est comme déçu pour ça. Mais l'affaire, c'est qu'il disait, le jour de Noël, va à côté de ton arbre dans ton appartement, tiens ton inventaire, ton bouton d'inventaire, puis tu vas avoir un cadeau. Puis on l'a pas eu. Calisse, il n'y avait pas de serveur qui marchait. Le jour de Noël, le serveur, il était down. Puis Rockstar, mais ils ont comme fait notre cadeau, c'était le 25. T'sais, à place de le laisser ah, ça, c'est du pas... 25 au jour de l'an. Tu vois, Destiny et Bungie sont repris, ils ont étiré Xur cette fin de semaine-là. Ah, ils l'ont ramené dans la semaine. Puis là, on vient d'avoir nos cadeaux de Noël dans Destiny, dans le fond. Là, c'était ben, rentré par le Postmaster. C'est déjà ça. Au moins, je me dis Rockstar aurait pu faire ça. Puis l'affaire que je suis déçu, c'est qu'ils ont donné des firework guns puis des affaires de même. Il est plus dans ton inventaire, le gun à feu d'artifice. C'est cool, même si c'est pas Noël, là, la nuit, ouais, là, ça fait du footage cool, je trouve. Là, c'est... Au pire, t'ajoutes tes balles puis c'est cher. Ouais. Mais la neige, 24-25, plus de neige. Cool, ça. Ouais, mais tu fais un update du genre du 23 ou même si c'était du 20 décembre au 6 janvier, ton update de Noël. Là. Pourquoi tu mets pas de la neige du 20 au 6? Ouais. La neige est apparue le 24 puis le 25, a fondu le 26, puis il y a eu le premier, je pense, puis c'est tout. Fait que, en tout cas, c'est, le jeu, il y a plein de stocks à avoir. Les autres squads, ils ont fucké le chien pendant puis je trouve que les autres, là, Rockstar, tout, sont pas fair. Nécessairement. Peut-être qu'ils vont donner d'autres choses, là, mais tu sais, je veux mon cadeau de Noël. Là, moi, là, je joue tout le temps à ça. Melter veut son cadeau de Noël. Je veux mon cadeau. Je vais écrire des emails. First Twitter, world là. Problem. Ouais, c'est, il paraît que c'est juste des chandails lettres en plus, mais je veux mon chandail lettres. Toi, Eric, qu'est-ce qui s'est passé de bon? Pas grand chose vraiment, on parlait des cadeaux, j'ai été très chanceux, je me suis fait donner une PS4 par ma incroyable femme. Bienvenue dans le club. Ouais, j'ai passé vraiment la dernière semaine à triper sur ça un peu. Bon, moi je m'en vais pas de PS4. Amène-moi donc une bière. Moi aussi, Milter. Okay. Mais c'est ça, Chris, je m'amuse avec cette console. Je suis tellement content de l'avoir, en fait. Là. Tu sais, j'ai pu finalement vendre ma Xbox One là, parce que j'étais tanné. Là, elle était pas assez HD. Fait que je suis content. J'ai pu la vendre, ma Xbox T'as One. T'as pas après, vendu là. Ta Xbox One. Pas tout, t'es pas fou. Toi, de passer de Forza. Non, ben je joue pas beaucoup à Forza de ces temps-ci. Là. Mais je peux finalement comme faire un comparatif un petit peu de mes expériences des deux consoles. Vous parliez de partage de vidéos, des choses comme ça. Hein. man, Sony, ils ont fait une pas pire job pour le share button. Ah ouais, il est cool, bien, le share button. J'aime bien ça. Mais, tu sais, j'ai eu un bundle avec Far Cry 4. C'était comme une surprise après Noël, Boxing Day. Puis le bundle Far Cry 4, c'est le premier Far Cry que je joue assez sérieusement depuis celle de Crytek. Puis, fait que t'avais pas fait le 3, toi. Le 3, je l'ai même pas touché. My God, le 2, je l'avais commencé et il m'avait énervé. C'est ça. Le 3, mais j'avais aucune raison de l'avoir. Hein. J'ai jamais pris le temps d'aller l'acheter, mais je l'ai pris. Puis je m'amuse au bout, c'est vraiment cool. Cool. Mais aussi, le PS4 m'a traumatisé un peu. Pourquoi? Le menu. Non, le menu est très beau. J'ai joué des MMO beaucoup, j'ai pogné DC Universe, j'ai pogné Warframe, c'est... Non, pas Warframe, en fait, War Thunder, c'est un MMO. Xbox One, hein? Warframe, c'est le même. Hein? Ouais, mais le War Thunder, c'est un jeu de Deuxième Guerre mondiale, simulateur MMO, fait que tu peux mettre comme avion, puis il y a du monde comme tank, tout ça partout, c'est assez cool. Mais j'ai pas eu Final Fantasy XIV que j'ai finalement pu sérieusement essayer, puis je l'ai essayé sur console. Cool. Un jeu que sur manette, c'est ça que c'est que j'aime. Don't Starve en multiplayer. Ouais, ça je vois pas pourquoi que ça serait pas bon. Ben il est écœurant en solo, fait que j'imagine en multiplayer c'est bon, puis il est exclusif à PS4. Mais moi c'est plus le playroom qui me mind blown. Moi je l'ai même pas essayé jusqu'à temps que t'en parles pendant le temps des fêtes. Puis c'est tellement magique, André. C'est... Voir du monde fumer du crack si oublie pas ouais mais casually, c'est quoi casually en français? Ouvertement. Tu sais, c'est très ou c'est très... tu tombes sur le random black dude qui est vraiment fucking pissed puis envoie tout le monde chier. Ou tu vas tomber sur le couple mexicain qui est le doux de sa brosse en train de boire une bière avec sa femme pastor sur le divan. Puis t'es en train d'interagir avec une soixantaine de personnes. Mais c'est malade. Je suis tombé un moment donné, là, il y avait un gars là, qui est en train de fumer un joint. Sa fille faisait une pipe. Puis sa fille, sa femme. Puis c'était n'importe quoi. Là, tu sais, c'est comme. Moi, je check. Puis je passe d'une room où t'as un gars qui joue au jeu où. André. Tu kicks des robots. Puis t'as comme l'autre qui se fait tailler une pipe. Puis c'est André, son trip, man. C'est... Il faut qu'on fasse un playroom. Non, mais comme, c'est un OK, doulis, mais c'est moi là. Qui fume le joint. Non, mais c'est tellement un doulis qu'il faut qu'on fasse, là. J'ai été hypnotisé par tout le comme le monde. J'étais tellement hypnotisé par le monde sur Playroom, puis à checker plein de choses, puis écouter des gens, puis moi, voir les conversations. Moi, je savais même pas que ça existait avant que t'en parles. C'est ça, mais le c'est pire. C'est fou, le live on PlayStation ou Tonight ou quelque chose comme ça. Mais le temps, pour te PS4, faire un parallèle, vu que toi, c'est très Microsoft, c'est comme dans le temps qu'il y avait le Xbox Live Vision, là, quand c'est sorti, puis le monde, tu jouais à Uno. Puis dans ta game de Uno, il y avait un gars que c'est comme il sortait son bang puis un gun sur la table puis. Mais c'était avec moi et tu jouais Uno de bord, ben c'est ça que je faisais. Non mais Milter. J'avais pas le gun. Quand mais... tu mettais ton gun sur la table. J'avais pas le gun, mais moi je jouais Uno puis je mettais du maquillage de clown puis je fumais au bang. En passant ton. De quoi tu parles? Milter, je voulais te dire là que j'ai entendu une référence étrange de Uno où ce que les gars parlaient de Uno sur Giant Bomb puis un gars qui avait parlé de French Canadians that were dressed as clowns. Oh shit, Milter s'est fait name drop. Tu l'écouteras sur le... Écoute, sur le Giant Bomb, là, c'était... J'étais ça, là, j'étais comme, c'était-tu Milter, ça? Ou c'est-tu son histoire? Mais il fait vraiment... T'as Jeff Gershman qui parle de comment est-ce qu'il jouait tout le temps à Uno puis qu'il avait tombé sur des Français canadiens qui étaient habillés comme clowns. Ouais, c'est peut-être moi puis mon coloc dans le temps, Charlotte à Steve, Coco Bundy mais sur Xbox. Playroom, là, c'est vraiment là, tellement... Man, c'est magique. Mais là, je catch pas pourquoi personne m'a vraiment parlé de moi quand j'ai expériencé Playroom, je me disais... Puis j'ai même pas de caméra, là. Fait que moi, je faisais juste regarder des live streams. Expériencé, excuse-moi. Bienvenue. Hey, guys, hashtag expériencé. Eric, il essaie même pas, puis il est plus franglais que tout le monde. Mais c'était vraiment quelque chose qui... Mais t'imagines comment que je mettrais ça à longueur de journée, moi, Playroom, si j'avais une Sony, là, PlayStation. C'est pas que t'es kid, toi, on va dans faire journée, un Playroom. Qui sont à garderie. Mais Milter, on va faire un Playroom. André, il y a une caméra. OK, on va faire un Playroom avec ma PlayStation 9, justement. Playroom. Peut-être pas à soir. Ah, peut-être à soir, mais bientôt, peut-être. Mais bientôt, on va faire un Playroom. Mais peut-être à soir. Ouais, mais on peut regarder même si on n'en fait pas une. Ouais, oui, on peut absolument regarder. De toute façon, mais tout parce ça pour que dire. J'ai juste pas l'intention de me crisser à la poêle, battre ma femme en fumant du crack dans le playroom. Mais dans mon salon. Dans ton salon en plus. Hey André, ça te dérangerait-tu? J'aimerais ça venir chez vous à soir, t'as prêté ta PlayStation, crisser une race à ma femme, puis fumer du crack. Mais moi, en tout cas, j'aime bien ma PS4. Je tripe bien raide dessus. Vraiment beau cadeau de ma femme. Shout out à Julie qui m'a trollé comme que j'ai jamais été trollé de ma vie pour me dire que j'ai une PS4. Puis c'était pas mal ça mes nouvelles. Moi, je tiens juste à dire, j'ai vu ton feed sur Facebook. J'ai fait comme, man, solide cadeau. Julie, good job. Elle m'a vraiment pogné par surprise. T'as gâté ton homme, puis t'as gâté ton homme, puis t'as gâté ton homme. Mais on joue ensemble aussi. Hein, fait que qu'elle s'est gâtée un peu à la même aussi. Quand on a des consoles qu'on achète collectivement ou qu'elle me pogne par cadeau, etc. Mais c'est souvent c'est pour le couple. C'est un cadeau, je veux pas dire empoisonné, mais tu sais, elle la jette un peu pour elle aussi. Pour limite, nous deux, même, ouais. Rendu là, là. Mais après ça, elle a vu Playroom et elle a dit « elle touche plus au PlayStation ». C'est ça, je m'en ai dit, Julie, était-tu au courant de Playroom? Parce que peut-être elle s'est dit « je vais acheter ça » puis là, Eric, il flatte la cuisson. Mais le pire, là, c'est... On va-tu sur notre Playroom à soir? À un moment donné, elle est en train de faire de la cuisson. Puis moi, j'étais là, puis j'étais en train d'essayer mon PlayStation, ma deuxième soirée peut-être. Puis je tombe, j'étais en train de checker tous les onglets, puis je vois le live on PlayStation Today, qui est juste des streams de Ustream, whatever. Puis j'étais en train de regarder ça, puis j'étais tellement hypnotisé, puis à un moment donné, t'as juste Julie, est comme... C'est quoi, t'en regardes? Puis je m'en rappelle, c'était le couple mexicain. Puis t'as Eric qui dit « je sais pas ». Puis je comme « je sais pas », je regarde un dude qui est à Beden, assis sur son divan... qui parle à sa femme en espagnol en référence aux choses qui passent dans le chat. Puis, holy fuck, là, c'était... Dans le fond, c'est comme un private network d'affaires. Non, mais c'est comme Ustream, là. Comme, tu sais, tu regardes Ustream ou les Hangouts Live que moi, je trouve sont vraiment intéressants. Ustream. C'est juste dans ta... C'est ça, je me demande si c'est sur Ustream aussi, mais... En fait, c'est pas Ustream, c'est Twitch. Non, c'est Ustream. Oh! Ouais, c'est Ustream. C'est encore pire. En tout cas. Moi, j'ai découvert quelque chose pendant le temps des fêtes qui m'a... qui m'a... Bouleversé? Pas bouleversé, mais qui m'a rendu heureux. Tu sais, on a parti le podcast, puis on était sur Twitch, puis là, maintenant, hey, on est Twitch, puis on tolère pas les podcasts. Oh ouais. Boy, on va aller sur YouTube, puis on va sur YouTube, puis le monde, tabarnak, ça marche, tu croches, l'image est à chier, puis y a pas de chat. Fait qu'on retourne sur Twitch pis on fait YOLO, fuck off, un moment donné, nous foutrons dehors. Eh bien, maintenant, ils ont créé la catégorie Game Talk Show. Ouais. Et la description de Game Talk Show, qui est un jeu que tu peux sélectionner puis vous allez pouvoir regarder, puis il y a des podcasts vraiment intéressants sur Twitch. Ben maintenant, c'est reconnu par Twitch. Tant que tu parles un petit peu de jeux vidéo dans ton show, ben ça, puis les t'es correct. De Dungeons and Dragons qui sont ben accessés, c'est ça. Les jeux de table, puis ces affaires. Fait que Twitch, on step up leur game, puis ben on est rendu legit sur Twitch, donc on peut c'est cool. On peut être officiellement. Pour parler de nos top 10 2014 jeux d'aventure. Sinon, ils nous barrent. Ils vont nous barrer. Surprise! Mais vrai fait divers, par contre, j'ai fini Dragon Age. Félicitations. Ah, ça, c'est un autre jeu que j'ai eu comme cadeau aussi, je l'ai. OK, Dragon Age, ça a commencé en novembre. Ma blonde était partie en voyage à San Francisco, puis j'avais 10 jours, puis j'ai fait comme « fuck it, j'ai un jeu ». BioWare, wow. BioWare, merci. Ouais, ben tu vois, il a crissé le camp, wow. En bon québécois, là. Je suis embarqué sur WoW 3 jours, on avait fait le Taylor Lautner Squad, je m'excuse. Hey Joël, je t'ai fait acheter l'expansion, puis man, il est en voyage, fait que je peux lui dire, c'est pas grave, Marie, c'est un podcast, il écoute quand il revient, mais je m'excuse, t'as acheté l'expansion, puis j'ai même pas joué avec toi encore, puis t'as payé comme 50$ pour ça. On va jouer, mais que tu reviennes. Mais, Dragon Age, 60 heures de gameplay que ça m'a pris, en fait 58 heures. J'ai pas tué tous les dragons, j'ai pas fait mon completionist encore. Il y en a combien? Je pense qu'il y a 9 dragons. J'ai tué 2 dragons à date. Moi, j'en ai vu un à date, puis il m'a tué. D'autres, je n'ai vu 2. Il y en a un qui m'a calissé une rince. Je suis reparti. J'ai trouvé un des premiers dragons que j'avais skippé. J'y ai foutu une volée, puis je suis revenu battre l'autre. Mais c'est-tu des vrais dragons? Ouais, c'est des dragons, ouais. Dragons. C'est comme Dragon Age Inquisition, c'est finalement Dragon Age. Mais l'histoire de ce jeu-là. Puis là, il y a comme de la controverse sur le net. Puis j'ai les commentaires du monde, puis c'est comme. Ah, oh, vous avez mis du filler dans le jeu. Le jeu, il aurait pas dû prendre 50. En fait, il aurait dû prendre peut-être 25-30 heures. La vraie histoire, elle prend pas tant de temps que ça. Puis, ta gueule. Quelle vraie histoire. J'ai voulu séparer encore plus du side quest, genre. C'est parce que, tu sais, check ça, OK? Puis ça, c'est une affaire. Je lisais les commentaires. Moi, je viens de finir le jeu, puis je suis comme... All right, là, je peux aller lire sur le net. Je peux me renseigner. Puis je vais pouvoir interagir avec des gens, puis dire, hey, moi, j'ai trouvé la fin super le fun pour telle chose, puis telle affaire, puis tout. Puis là, je tombe sur le monde qui chiale qu'il y a du filler dans le jeu. OK. Tabarnak, le monde chiale, c'est DLC. Le monde chiale que les jeux sont trop courts. Puis là, la mode à la fin de l'année, il y a du filler dans le jeu. Y a-tu quelqu'un qui t'a mis un gun sur la tente pis qui t'es obligé de faire toutes les fucking missions du jeu? Ta gueule! T'es-tu obligé, non? T'es pas obligé! Parles-tu des missions? Ben non! Okay, t'aurais pu suivre la ligne principale? Ben oui, t'aurais pu faire la ligne principale, d'attitude, tu finis l'histoire pis... Mais tu sais, ce qui m'a fait chier, là, c'est que je regardais le monde qui laissait ces commentaires-là pis je me suis dit, ce monde-là, c'est probablement les mêmes personnes qui ont grindé des levels dans Final Fantasy VII dans le temps à se battre contre des bébites d'un champ sans histoire. Puis dans Dragon Age Inquisition, oui, il y a du filler, mais au moins, il t'abrise ça autour. Tu sais, c'est comme tu vas parler à un gars, puis le gars... Ah, écoute, moi, je gère l'armée dans les bois, on s'est protégé des nobles, telle affaire, puis là, mané, oh boy, hey, attends, c'est peut-être un noble, lui, il a une histoire cachée, puis là, tu trouves des documents, puis là, c'est comme, tu veux-tu l'exposer, tu l'exposes pas, puis t'as des choix, puis ça a des répercussions, versus te battre contre des fucking bébites d'un champ pour être level 20 pour aller finir le jeu. Je trouve le monde chialeux. Mais ouais, c'est ça, le monde, il chiale, c'est comme, ah, oh, c'est-tu, ce jeu-là, il est bien trop court, là, après ça, ah, oh, c'est-tu, ce jeu-là, il y a des fillers. Man, le monde chiale tout le temps. Il était 69, ce jeu-là, puis il vaut chaque fucking cent que j'ai dessus. 45 après Boxing Day, effectivement. Il y a plein de deals partout. Mais même il était là, tellement bon. T'as joué combien d'heures avec? J'ai joué environ 58 heures. 57-58 heures dessus. Oui, il y a quelqu'un... Tu sais, je reviens là-dessus, là, c'est con, là, mais j'ai racheté GTA V au Xbox One. Je l'ai fini à 100%. En 65 heures, puis je continue de jouer dessus, là. Je suis rendu à 80 heures. Ah, mais t'as du fun! Puis ça, c'est sans compter mon online, là. Puis je me sens pas forcé, comme tu dis, j'ai encore du fun. Il m'a coûté un autre 65$, ok, moins à cause des échanges que je fais, puis des affaires de même, mais c'est la valeur. J'ai déjà le nombre d'heures pour équivaloir une pièce de l'heure pour une deuxième fois en plus que j'ai joué avec. Fait que si ça revient à ce prix-là, moi je trouve que c'est incroyable. Tandis qu'il y a des jeux qu'après 10-15 heures, je suis tanné puis j'y retouche plus. Mais ben c'est ça. 65$ aussi. Puis tu sais, moi je suis un gamer d'histoire. Faut qu'il y ait une histoire, en faut qu'il y ait quelque chose. Puis dans Dragon Age, un cool l'histoire. T'es servi, là. Puis la fin, je l'ai jamais vu venir. Puis ça fait longtemps que je travaille dans un jeu, je travaille dans un film, puis tout le kit, puis il y a des films. Tu sais, le film, là, des fois, là, après 15 minutes, ça a fini de même. Des plot twists. Tu le vois, les plot twists, puis la fin de Dragon Age, sauf, tu sais, encore une fois, il y a peut-être plusieurs fins possibles. Ma fin de Dragon Age est fucking cool, man. Il y a plusieurs fins, là, dans le film. Ben, j'imagine que oui, il doit y avoir des twists. Il doit y avoir une affaire qui change pas, peu importe qu'est-ce qui arrive. Mais c'était fucking cool, puis j'ai adoré ça. Si vous avez pas joué à Dragon Age, il y a un mode multiplayer qui est vraiment le fun en plus. C'est un 4-player co-op, dans le fond, où on fait des missions. Oui, mais on choisit une classe. Sérieusement, il me tentait le jeu quand il est sorti. Puis tu sais, vous le savez, je suis pas un gars de médiéval. Puis tout. Ouais. Puis il me donnait le goût parce que j'entendais que du bon dessus. Puis j'ai dit, comme ben, gars, tant qu'à me lancer dans ben, un tel jeu. Mais les personnages sont intéressants. Je m'attendais à un co-op comme rentre dans ma game, genre. Ouais, sauf, ben, il aurait pu le faire techniquement. Sauf qu'ils ont fait, comme tu dis, qu'il est quand même. Il paraît ben, qu'il est très le fun. Il est très le fun. Mais à cause de ça, j'aurais aimé le open world co-op, si on peut dire. Là, mais ou... tu vois, je suis d'accord avec toi, mais d'un jeu comme Fable, ça marche bien. Ben, parce que je Fable, me crisse un peu de l'histoire. C'est ça qui est con. Mais dans Dragon Age, quelqu'un qui embarque dans ma game, c'est con à dire, mais Dragon Age, c'est un des jeux où. C'est très personnel. Ben c'est ça, puis je veux pas jouer avec du monde à côté de moi. C'est con à dire, mais c'est mon Dragon Age. Mais c'est ton univers. T'aurais-tu aimé, parce que comme par exemple, imagine The Hinterlands avec une dizaine de personnes qui se promènent puis qui font leur shit. Puis à chaque temps en temps, ils ont un besoin de l'aide pour un boss. Puis... Non. Parce que là, on sait qu'on va être MMO pas mal. Mais, ajoute des gens qui font ce qu'ils veulent. Mais il aurait fallu qu'ils le fassent plus gros parce que je trouve que, justement, le jeu avait un aspect de grandeur. Rajoute d'autres mondes dedans, il aurait paru beaucoup plus limité, plus court. C'est-tu plus gros que Skyrim pis tout? Non. Non, mais c'est différent. C'est différent comme feeling. Mais c'est... Parce que dans le fond, t'as plusieurs sections, tu rentres dans une section, puis ensuite t'as une map, okay, tu explores au fur et à mesure, puis je me rends compte que je commence à parler du nez. Y a-tu juste, comme une zone comme Hinterland, là, ouais. Y a combien de zones comme ça? Ah, oh, mon Dieu. Parce que je sais que quand tu vas dans ton War Room, t'as plein de scénarios que tu peux choisir, puis c'est des petites places ciblées, des petites instances que tu stockes. Mais un gros monde que tu promènes, comme dans Hinterland, puisque comme je te dis, moi, je viens de commencer. T'en as plusieurs, t'en as peut-être une dizaine, une douzaine, je sais pas, tu sais. Qui sont comme, t'as des Hinterland, t'as The Desert World. Oh, ouais, t'as plusieurs. C'est toutes des zones ouvertes là, que tu peux aller te promener, faire des quests, faire des courses à cheval avec le monde du de la place. Et tu peux trouver du monde, tu trouves des affaires, c'est vraiment le fun. Puis tu sais, il y a de la rejouabilité, honnêtement. Fait que sans joke, ça a été... Mon temps des fêtes, Dragon Age, a été mon petit plaisir. J'ai rejoué à Destiny aussi, mais tu sais, sans joke, le Dragon Age, si vous n'avez pas joué encore, puis vous avez le goût d'essayer quelque chose avec une histoire, vous avez jamais essayé quelque chose avec une histoire, peut-être Skyrim vous intimidait ou quelque chose comme ça, essayez un jeu comme Dragon Age, c'est le fun. Puis ce qui est le fun, c'est que ils ont... Puis ce que je trouve plate, puis j'ai appris par après... c'est qu'il y a le Dragon Age Keep qui te permet de prendre tes games si tu étais logué dans les autres Dragon Age, si tu étais logué avec ton compte Origin ou EA, puis d'amener tes choix dans cette game-là que moi, j'avais pas faite malheureusement. Mais tu peux refaire l'histoire. Tu vas sur Dragon Age Keep, tu fais les choix que tu aurais fait dans les autres jeux, puis ça les met dans ta game. Fait que ça, je l'ai su 30 heures dans le jeu, par exemple. Fait que c'est peut-être moi qui aurais dû me renseigner un peu plus au départ. Ou mais ça c'est le fun. Mais t'avais-tu fait Dragon Age 2? J'avais fait Dragon Age 1 et 2. Puis j'ai fait Inquisition par après. Puis je suis sûr qu'il va en avoir un autre. Et je vais être le premier dans le line-up à l'acheter. Après une couple de DLC. Hein. Il y a eu le plus gros succès des trois, je pense, celle-là. Fait que... Non, effectivement. Ben, écoute, c'est parce que Dragon Age 2 avait été très critiqué à cause des... Le monde s'en passait d'un jeu très open world avec beaucoup d'environnements graphiques, des choses comme ça. Puis dans le 2, c'était très limité, c'était très... C'est une expansion. Mais c'est... En fait, c'est que c'est la même évolution que Mass Effect. Le 1 était très RPG intimidant. Le 2 était très... C'est facile de rentrer dedans, puis c'est dumb-proof, mais c'est un peu moins cool. Puis le 3, c'est la balance parfaite des deux, honnêtement. Mais moi, j'adore. Moi, j'adore Dragon Age à date. Question existentielle du jeu. Y a-tu des nains? Oui, mais t'as des dwarfs. Des dwarfs. Tu peux être un tu nain. Peux être un dwarf, si tu veux. OK, cool. Tu peux être un humain, un kunari, que c'est genre des gars avec des cornes de taureau ou de bouc, tout dépendant. Plus de bouc, je te dirais, parce que ça tourne. Puis, tu peux être un elf, un humain, un dwarf. Tu peux être un mage, un knight ou un thief. Ouais. Je dis ça, thief. Mm-hmm. Mais le thief fonctionne un peu comme chasseur ou... Mais tu peux être le gars avec l'arbalète ou tu peux être le gars avec les couteaux aussi. Le fait, ça c'est dépend c'est ce ça. Mais en fait, c'est ça que j'ai remarqué. Ils sont très, c'est très... C'est très varié. Varié. Il y a des nains. Il y a des nains, effectivement. Bon. Puis quand tu choisis magicien, t'es magic user... Fait que tu peux être autant un necromancer que tu peux être un healer. T'es comme en un fait, mage fait tout. Necromancer est une classe avancée en plus dans le jeu. Ouais. Fait que tu sais, ce qui est cool, c'est qu'en plus, c'est qu'au début, t'as les classes normales. Puis il y a un point où ton Inquisitor, t'as un choix à faire. Puis il y a trois nouvelles classes qui se déverrouillent à ce moment-là. Puis ça, c'est quand même cool. La seule affaire que j'ai trouvé plate, puis c'est pas un spoiler, là, gars, Chris, c'est dans le jeu, mais la classe que tu choisis, t'as toujours un personnage qui peut t'accompagner qui a déjà cette classe-là. Ok, ouais. Fait que tu sais, dans le fond, c'est pas quelque chose de spécifique et d'unique à l'Inquisiteur. Ça, c'est la seule affaire que j'ai trouvé plate. Mais dans le fond, ça que l'Inquisiteur, il a sa propre classe à lui. Tu sais, c'est genre fucked up. Il y a juste lui qui peut le faire. Mais il y a déjà sa main qui glow, là, puis qui peut faire son stock. Ouais, mais tu vois, gars, moi j'ai pris un mage, puis la classe que j'ai pris, t'as le choix. Ben, je peux pas le dire, c'est un spoiler, mais t'as trois choses que tu peux sélectionner, puis les trois que j'avais le choix, ben, il y avait déjà quelqu'un dans mon party qui pouvait le faire. Okay, fait que tu sais, ça j'ai trouvé ça plate un petit peu. Mais ça, c'est un peu ce qui est hot du jeu aussi, c'est quand tu choisis une classe, t'es un mage, ben tu peux pendant le combat switcher à le chasseur, switcher à le warrior. Ouais, parce que tu prends le contrôle des membres de ton équipe, fait que ça j'ai trouvé ça vraiment cool. Là. Donc, c'est pas mal ça qui s'est passé. Là, on a un épisode spécial à faire aujourd'hui. Les gens ont voté encore une fois cette année. On l'avait-tu fait l'année passée? Ouais. Oui. Donc, à nouveau, les gens ont voté. On a eu plusieurs catégories. Et c'est les choix des auditeurs pour 2014. Ce qu'on va faire, c'est qu'au retour de cette courte pause, on va prendre le questionnaire. On va faire chaque catégorie une à une. Puis on va commenter un petit peu sur nos opinions, nos points de vue. Puis on va élire le choix des auditeurs 2014. Et ensuite, à la sortie de l'épisode, on va avoir les résultats qui vont être publiés aussi également. Puis on va commenter sur les choix. C'est clair qu'on commente. Eric, c'est une évidence pure. On n'est pas capable de se fermer à gueule. C'est pour ça qu'on a un podcast. C'est vrai. Donc, de retour dans 2-3 minutes. Mais pour vous autres, ça va être 30 secondes. Je vais mettre un... Je vais mettre un bout de la toune de Sesame Street au gazou. Ouais. C'est-tu gazou ou cassou? Tu parles-tu du extraterrestre vert dans les Flintstones? Encore mieux. Non, attends un peu. On va mettre un genre de 30 secondes de Milter qui chante du Taylor Swift. Oui. Donc, de retour après Milter qui chante du Taylor Swift. On est désolé. Hey! New money, suit and tie. I can read you like a magazine. Ain't it funny? Rumors fly. And I know you heard about me. So hey, let's be friends. I'm dying to see how this one ends. Grab your passport and my hand. I can make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can call me whenever. It was high word the pain. Your long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. Cause you know I love the players, and you love the game. Cause we're young and you're restless, we'll take this way too far. Gonna leave you breathless, or with a nasty scar. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. But I've got your blank space, baby, and I'll write your name. Bon. Fait qu'on est de retour après la courte interruption. Choix des auditeurs 2014. Premièrement, au moment où on se parle, 999 likes. Il en manque un, câlisse. Non, mais 999 likes. Le pire, c'est qu'on en a reçu likes. D'autres, mais à chaque fois qu'on en reçoit, c'est des coquins sur l'Internet. C'est correct, dans pas long, on va avoir notre annonce qui mais dit vous êtes proche à 10 000. Moi, je trouve ça un peu fou parce que on est proche de 1000. Il en manque un. Moi, je pense qu'on l'a déjà, il est juste pas updaté. On l'a eu, notre 999, je pense, parce que... Non, je t'aurais checké, on est à 999. Fait qu'il y a quelqu'un qui avait unlike parce qu'on a le pion noir qui a liké aussi, où les pages ne tiennent pas le compte. Lepionnoir.com. Ben, Annie Bélanger le pionnoir.com. Il en manque deux likes, Calis, effectivement, regarde. On est rendu à deux qui manquent, hein? Non, là, il en manque rien qu'un. C'est parce qu'il y avait quasi CH de Robot Sucré qui avait plugué, oui. Qui manquait deux likes. Mais il y en a un. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est 1000 personnes qui supportent le projet. N'oubliez pas, à 1000, André donne sa PS4, c'est ça? J'ai bien compris? Non, en fait, on donne ta Xbox One, Milter. J'étais sûr que c'était marqué de PS4. Qui vient avec ton compte Xbox Live et les heures de mise dans GTA. Tout mon gamer score est à vous à 1000 likes. Surprise. Mais, long story short, on débute 2015. 1000 personnes qui supportent le projet. Il y a des gens qui sont avec nous sur le chat ce soir en direct. Merci. Cheers. Merci puis cheers, effectivement. Regarde, c'est pour vous autres. Moi, je trouve ça vraiment cool. Je m'attendais jamais vraiment à ça. Ouais. Moi, je suis encore étonné qu'il y ait du monde qui download notre show. Ouais, c'est toujours trippant, ça, c'est savoir. C'est 1-0 de plus que je m'aurais attendu carrément, il y a 2 ans au début. Moi, je me suis dit, si on vient avoir 100 downloads par épisode, puis à peu près un following de 400 personnes sur Facebook, là, on a un succès. On a un succès. C'est ça. Un succès qui dépasse les attentes selon nos standards. Mais, c'est pour ça qu'on a arrêté de se forcer à cette heure. Ça a dépassé nos attentes. On a dit, bah, ça peut pas être pire que ça. Non. Il y a Nitz HD qui dit, j'ai volé le iPhone à ma blonde qui dort, vous en avez un de plus. C'est bon, ça. Elle va se réveiller demain et elle va dire, pourquoi j'ai dit dwarf porn, ce monstre? Mais, là, il y a un autre volet aussi, c'est qu'il y a 36 personnes. On est vraiment rendus, ça n'a pas de sens. Mais il y a 36 personnes qui ont pris le temps de répondre au choix des auditeurs. 36 personnes qui ont été voir notre questionnaire, qui se sont prononcées sur un paquet de catégories. Ben, ce soir, c'est votre soirée à vous autres. C'est vos choix. Puis on va élire le gagnant du choix des auditeurs par catégorie au fur et à mesure. Nous, on se soustrait de l'équation, dans le fond. C'est qu'on ne tient pas compte de notre opinion pour une fois. Donc, félicitations. Merci merci d'avoir volé l'iPhone de ta blonde pendant qu'elle dort. Je te promets qu'elle ne le regrettera pas. Il n'y aura pas de problème là-dessus. Puis j'espère qu'elle aime le PS4. Là, les boys, êtes-vous prêtes? On débute ça? Go! Donc, dans la catégorie « Meilleur meme 2014 », là, je m'excuse, mais je vais lire d'avance... les réponses des auditeurs telles quelles. C'est meme, tout meme confondu. En fait, là, c'est tout meme confondu. Ça peut être une image, ça peut être une vidéo, peu importe. Mais donc, première nomination, on parle de Nicki Minaj Anaconda, que sa pochette blanche avait faite fureur. On a pu s'en donner à cœur joie avec Photoshop avec Nicki Minaj. Deuxième nomination, Meme is So 2012. Ben, ça fait depuis 2012 qu'on le fait, fait que désolé. C'est quand même correct, mais c'est pas grave. Écoute, chaque personne a le droit à son opinion. C'est comme les trous de cul. Les opinions, tout le monde en a un. Oui. Donc, Bill Cosby qui demande aux gens de le transformer en meme. Ça, j'avoue que c'était quand même pas pire. Nice Beard, You Single. Fait que je suis remonté dans l'autobus. La famille Pinocchio. Vide. Celui de Rick et son fils de Walking Dead est probablement lui que j'ai vu passer le plus Carl. Souvent. Carl. Carl. Ou sinon, je propose qu'on l'encule. Peut-être que ça date de plus que 2014. Mais celle-là, je le connais pas. Je pense que c'est un classique de avant web, genre. C'est vieux, là. OK. Donc, il y a eux autres. Famille Pinot-Caron, l'autobus. Fait que là, ça fait deux fois pour l'autobus à date. Rick et Carl. Hop. Rick The Walking Dead puis Carl deux fois. L'autobus trois fois. Fait que là, à date, c'est chaud, là. C'est entre l'autobus puis Rick et Carl. Kick to Babyface. Dog. Dog, c'est plus vieux. C'est plus vieux, ça. Mais on l'avait nominé l'année passée, me semble. L'année passée. Machine à café, Kim Kardashian. Kim Kardashian's Ugly Butt. Ça, c'est-tu deux pour Kim Kardashian? Oh, Carl The Walking Dead. Fait que là, à date, l'autobus puis Carl. L'autobus puis Carl. Ben, l'autobus n'a deux? Doug est à deux. Non, l'autobus puis Carl sont à trois à date, les deux. Doug est à deux. Mission accomplie en ce qui me concerne. Ça, j'avoue, ça a été fort. J'avoue qu'il a été fort, celle-là. C'est du méta québécois web qui est sorti même. C'est Dominique, pour mettre en contexte, je pense que c'est Dominique Moret de Radio X à Québec qui avait posté un faux article sur genre 36 morts après le jour même de la légalisation du pot au Colorado ou quelque chose de même. Puis ses fans, ses fans c'est un grand mot, mais les personnes de sa page Facebook ils ont fait remarquer qu'il avait sharé du faux article comme un épais. Puis il avait dit c'était pour faire sortir les pro-potes de leur tanière. Mission réussie en ce qui me concerne. Fait que depuis ce jour, je pense que tout le web québécois utilise ça quand ils font un bon coup. Ils disent en tout cas mission. Fait que c'est bien big à Sorel. C'est ça que tu es en train de dire. Ça, là, Sorel, tu dis ça, tu pognes des bars, là. Les filles sont après toi. Je suis remonté dans l'autobus qui tombe à quatre fois. On s'excuse, Sorel. On vous aime. On vous adore. Milter, apparemment, t'es un meme en 2014. J'étais sûr que je les avais flashés, ces lignes-là. Ouais, il y a joke de grammaire. What's a meme? And at this point, I'm too afraid to ask it. On a des anglophones qui nous écoutent, apparemment. Je propose qu'on encule, qui est rendu à deux fois. Je la connais vraiment pas, celle-là. Milter, t'es rendu à deux fois, toi, avec. Kim Kardashian, break the internet parodies. Donc, Kim Kardashian 3, à date, c'est très serré, là. Kermit, but that's none of my business. OK. Anglais. Madame Pinot-Caron. Oh, ouais. L'autobus est rendu à quatre fois. Moi, je dois avouer que c'est mon choix. L'autobus, cette année, il est à fort. Je l'ai sorti souvent, je la ressors encore. À tous les fois qu'il y a un propos moindrement raciste, tu peux la ressortir. À tous les fois qu'il y a de quoi de moindrement weird, tu peux le sortir. À chaque fois aussi que c'est de quoi de très colon, tu peux ressortir ça, l'autobus. Tu peux sortir, fait que dans le fond, tu sais, l'autobus, c'est pas mal. Puis, dernière nomination cette année, je suis en face du David Stee. C'est trop deep pour ça, moi. Ça, je me souviens, Milter, t'avoir posé la question il y a pas longtemps. J'ai fait. C'est je comprends deep. Pas, c'est mais du deep web QC. C'est web plus qu'un meme, c'est pas une photo. C'était inside joke c'est dans le web QC. C'est inside joke qui a explosé plus. Il n'y a pas une photo. Tu peux pas googler une photo. Je suis en face du David Stee, puis ça va te sortir le classique. Madame Pinot-Caron. Mais en 30 secondes, c'est quoi je suis en face de David Stee? Puis pourquoi que quelqu'un nominerait ça? Explique-le à nos auditeurs, dans le fond. Ça a parti, il me semble, c'est Marc-André Boudreau qui a parti ça sur Facebook, une semi-personnalité web, si on peut dire, qui prend de plus en plus de place. Puis il avait écrit ça, c'est une inside. Puis après, il y a du monde qui a commencé à se prendre en photo devant le David Stee, puis il a juste... Il a posté ça dans les commentaires, là, qui n'avait aucun rapport, là. Tu sais, un commentaire out of subject, qui n'a aucun lien avec rien. Le monde parle, qu'est-ce qu'on fait à soir, nanana, nanana, il se fait taguer. Je suis en face du David Stee, claque, photo, ça reste là. Ça a explosé. Donc, ce qu'on incite les auditeurs à faire, c'est qu'à partir de maintenant, vous allez sur la page du collectif, puis à chaque fois que vous passez devant un David Stee, vous prenez en photo, vous prenez en photo, tu sais, un selfie devant le David Stee, puis vous la mettez sur notre page. Postez-nous ça en disant « Je suis en face du David Stee ». Fait que dans le fond, messieurs, y a-tu quelque chose qu'on a oublié des mèmes de 2014? Non. Moi, il y en a un qui était en vidéo, mais j'ai découvert à la fin de l'année qui m'a fait rire en crisse. Puis je m'excuse, Facebook, je vous ai spammé avec ça, mais Tug Life. Ouais, Tug Life. Tug Life 2014, moi, ça m'a fait rire à peu près. Le chien Dog Tug Life. Ça n'a pas de bon sens. Ah, mais il y a le Wrecked aussi, là. Wrecked, aussi, c'était fort. Le Wrecked, c'est fort. Les remixes de vidéos avec des lunettes puis des joints. C'est vraiment bon. Mais ils vont peut-être sortir des vidéos YouTube à ce moment-là. Mais tu sais, le gagnant de cette année, le choix des auditeurs 2014 pour le meme. Au Québec. Préparez votre applaudissement, messieurs. Pas trop fort, il y a des voisins. Ah. Pas mal sûr, famille Pinot Caron, je suis retourné dans l'autobus, félicitations, le mime de 2014. Oui, je suis d'accord. Quelque chose à rajouter, Milter? Ça a sorti de où, ça, Pinot Caron? C'est dans le cadre du la charte, là, comment que ça s'appelle, là? Il y avait du monde. Ouais, la charte des droits et libertés. Là, où que tout le monde peut venir parler. Il y avait comme Ricky dit, une table ouverte au public. Ouais, mais le public, mais c'était où, ça? C'était tout le monde qui pouvait venir. Non, c'était tout le monde qui pouvait venir. En tout cas, tout le monde allait là, puis dans le fond, il droppait des propos racistes live en public devant un comité qui analysait ça. Fait qu'il y avait eu des druides, que je me souviens. Il y avait eu une madame qui avait peur des marches de zombies. Il y avait eu bien du monde... qu'on peut clarifier de épais. On va le dire d'une manière polie. Je vais te servir d'interprète, mais ce que Milter veut dire, c'est sous-instruit. Ouais, ben c'est des druides. Fermé d'esprit. C'est des druides, ça doit être instruit. Des druides. Non, mais ils ont des serpes, les druides. Ouais, n'importe qui d'instruit prendrait pas une serpe. Mais voilà. Non, mais en tout cas, c'était du monde louche, bizarre un peu. Parce qu'en tout cas, le monde qu'ils nous ont montré. Parce qu'ils n'ont pas sorti quelqu'un qui a droppé plein d'arguments, plein de sens et de... Ça ressemblait à une page de Chapelot, dans le fond. Là. C'est ça, là. C'était spécial. Là. Fait qu'en tout cas, la famille Pinot-Coron était là, puis ça, ils parlaient de leur voyage en... Je sais pas où, en Musulmanie, on va dire, qu'on va appeler ça de même. Puis la madame a juste dit, voyons donc, j'ai vu des hommes se mettre à genoux puis prier sur des tapis, fait que ça avait pas de sens. Fait que je suis remonté dans l'autobus, puis elle est pas capable... Elle n'est pas capable de dire autobus, elle dit étobus. Fait que c'est pas surmonté. Fait que je suis rembarqué dans l'autobus. Je l'ai vu dernièrement à TV. Mais ça a comme bifurqué vers surmonté dans l'autobus. Ça a bifurqué avec ça. Fait que là, il y avait tout le temps la phrase classique de voyons donc, il a dit ça. Fait que je suis remonté dans l'autobus. Fait que félicitations à la famille Pinot Caron pour le mime 2014. On tombe présentement dans la catégorie Personnalité Web 2014. Les nominés cette année sont, on a PewDiePie, qui le est Twitch, un Twitch streamer Twitcher, ouais. YouTube extraordinaire, qui a fait une apparition dans South Park aussi à quelques reprises. Ouais. Jonathan Milter, Megan Amram, writer sur Parks and Recs, qui a le meilleur compte Twitter de la Terre. Okay. Nick Dénommé avec le wall du show de la pointe. Ouais, j'avoue que le show de la pointe, c'était assez fort cette année. Ça. Kim Kardashian. Edward Snowden. C'est qui Edward Snowden? Je suis pas très familier. Ben là, c'est pour les leaks là, de la FBI aux États-Unis. Le gars qui s'est sauvé en Russie. Le genre de Wikileaks. Il a fait 2014. Un leak là, de comment est-ce qu'on se fait spied. OK, OK. Geneviève Caron, l'étobus. Phil Spencer, Gabrois. Taille entre mais André Paquette Spencer, et PewDiePie. Qui choisirait Phil Spencer? Un Phil, fan Spencer. De Phil Spencer. Ouais, mais... qui trippe sur Phil Spencer. Mais il a pas quitté Microsoft, lui. Peut-être, mais c'est pas grave, il est cool pareil. Moi, j'ai jamais dit qu'il est pas cool, mais ok, ouais. Ça... Gabrois. Cyprien. Cyprien, moi, je l'aime bien, ce gars-là. Je l'ai découvert cette année, puis il me fait rire moi, en Chris. Je l'ai dit, je l'ai pour moi. Pour vrai? Ah, je suis pas capable. Moi, c'est j'aime peut-être parce vidéo. Qu'il est français, puis moi, puis les français, ça va pas bien ensemble. Mais non, mon gars, il trippe ben raide. Mon ah, je l'aime bien. 11 ans, là, il fait qu'il écoute constamment des Cypriens. Fait qu'il me gosse, là. Puis, parlant de Cypriens, ben vite, j'ai eu la discussion avec mon gars hier, justement. Il me dit, Oh, moi, quand je vais être grand, je vais faire des vidéos là, sur Internet. Là, je vais faire comme Cyprien. Là, puis, tu sais, je vais être petit pauvre là, dans mon appart. Tout. J'ai dit, attends, je vais t'expliquer de quoi. Il n'est pas pauvre, j'ai gars-là. J'ai pogné mon sel, j'ai checké. J'ai vu un vidéo, 15 millions de views. J'ai checké. OK, je vais t'expliquer de quoi. J'ai dit, avec cette vidéo-là qu'il a faite hier, il a fait plus d'argent que moi et ta mère mis ensemble dans l'année. De quoi tu parles? Non, mais il fait des live streaming maintenant, Cyprien, avec Squeezie, qui est un des très grands streamers de Twitch en France. Ils font des live shows de gaming au Rex, qui est un des très grands cinémas là-bas en plus. Quand ils font ça, c'est malade. Ils ont fait crasher YouTube une couple de fois. Ils ont des views les deux ensemble. Ouais, il y a du monde. Cyprien. Joël Martel. Hey, Joël Martel, là, lui, il win l'Internet sur une base quotidienne. On a personnalité web québécoise. Ben, c'est ça. Fait que, ben, d'un autre côté, il était nominé aussi pour cette même personne-là. Ouais, non, c'est ça. Dan Bilzerian, que j'avoue que le millionnaire YouTube... Il s'est fait parler de lui. Instagram, pardon. Celui qui peut se permettre de lancer des porn stars de son toit de la maison dans la piscine puis de leur éclater la jambe. Je l'ai manqué, mais t'as-tu dit ton taille? Ouais, apparemment que j'ai un taille entre moi et PewDiePie, c'est la même chose. Vous êtes pareil. Okay, fait un pour PewDiePie. En fait, PewDiePie est rendu à deux. Non, tu le nullifies, toi. Ouais. Moi, j'annulerais ce j'annule, j'annule PewDiePie. Que... Absolument. Je m'excuse, PewDiePie. J'annulerais la ligne au complet. Geek Collectif. Stephen Amell. Stephen Amell, j'avoue que il passe un peu sous le radar, mais ça, c'est le gars qui joue dans Arrow. Qui a un compte Facebook vraiment fucking actif. Il est toujours avec ses fans. Il est vraiment cool, ses social networks. Lui, je l'aime bien. Giz DP. Commence à repérer des choses. Commence à faire pour bouger Giz pas mal de quoi? Stock. Giz DP. Giz DP. De pessimier. C'est cela. Mais Giz, dans le fond. Marc Charron m'oblige à écrire Marc Charron. Fait que Marc Charron. Julien Bernatchez. Absolument, il était écœurant. Joël Martel, deux fois. Oh. Oh, Milter. Oh. Nomination pour Milter. Oh, encore Jonathan Milter, une deuxième fois. Julien MT. Oui. Jonathan Milter, une troisième fois. Anna Hart. C'est qui ça, Anna Hart? Je sais pas. Je sais même pas c'est qui. Je vais googler ça. Cyprien, une deuxième fois. Porn qui va sortir encore avec nos fans. Mr. Bucket, du Bucket Challenge. Ouais, OK. Vous êtes créatif cette année. Marc-André Boudreau, all the way. Ben... La même personne qui a dit « Je suis en face David Stee » a complètement brown nose son Marc-André Boudreau. Fait que dans le fond, Marc-André Boudreau, t'as voté pas mal pour toi, all the way. Là. Ouais, ben ouais. C'est une internet personality, comedian, author, actress, content creator. Ça sonne comme pas mal toutes les femmes et hommes sur internet. Vous voyez la photo? Ouais, mais ouais. Elle a une page Wikipédia, pas toutes les autres qui... Il y en a beaucoup qui en ont. Dans moins 5 minutes, puis on va en avoir une ouais, page Wikipédia. On va se faire take down dans 15. Mais, De même, il n'y a pas eu une personnalité, je dis ça de même, c'est pas mon choix nécessairement, mais elle mérite au moins un vote peut-être. La fille là, qui s'est faite blaster parce que c'est une chasseuse, là. Ah, si, je l'avais oublié. Ah, ouais. Elle a été une personnalité web pendant un petit bout. Mais là, messieurs, on a une tâche qui va être difficile un peu parce que... C'est-tu PewDiePie ou Milter, la personnalité ben, web en, 2014? En fait, il y a des millions de... Il va falloir qu'on exerce notre droit de veto. Parce que là, comme t'as plein d'égalité, puis Milter, ben toi, c'est-tu... Je compte pas, là. Tu comptes pas, là. Je suis pas là-dedans. Mais... Non, dis-le pas. Je veux pas que ça se passe. Okay, qui vous voulez, non, mais qui vous voulez voter, vous autres? Honnêtement. Votre personnalité 2014, ça a été qui? Ouais. Web 2014. En fait, pas web. C'est, en fait, oui, web. Personnalité web 2014. Qui a influencé ton web, Milter, en 2014? Aller québécois, dans un sens. Puis je vais y aller avec. C'est con, là. Puis il est même pas là parce que personne l'écrit. Mais pour moi, Doug Benson. Il y a eu tellement d'évolutions de projets sur le web, justement. Il a fait des documentaires puis des shows, on a dit comedy shows, mais des shows d'humour exclusifs à Netflix puis tout, qui c'est du web dans un sens, là. On s'entend qu'il y a des fait applications. Fait que toi, t'as pas compris que je t'ai dit quand on va utiliser notre droit de veto. Ah, tu veux que je choisisse dans ceux qui sont là? Juste parce que maintenant, il faut mettre un gagnant puis si on se met tout à rajouter. C'est un bon choix. OK, mais maintenant, regarde. OK, PewDiePie... Megan Amram, Nick Denomé, Kim Kardashian, Edward Snowden, Geneviève Caron, Phil Spencer, Gab Roy, Cyprien, Joël Martel, Dan Bilzerian. C'est-tu WebQC ou Web Général? Ben, on a WebQC qui revient maintenant. Moi, je mets Dan Brazilian. Parce que j'aime son style. Moi, un gars qui pète des femmes en bas des buildings, là. C'est comme... Je vois déjà les plaintes rentrées par courriel. Bon. Nos femmes... Ouais, parce que moi, il y a des choix là-dedans. Tu vas avec qui, toi? Ben moi, je fais un peu comme Milter, là. Je dirais Kevin Pereira. Ça, c'est ton choix à toi. Ah, mais non, c'est parce que même si je te back avec Kevin Pereira, il gagnera pas parce que c'est deux, là. Hey, Milter. Ben, gars, ça, c'est nos choix de monde. On dit nos choix à nous autres. Qui, nous autres, c'est notre personnalité. Ben, facilement pour moi, nos là, fans, ça serait... Ils disent clairement PewDiePie, là. On va se le dire, là. Ah, je veux pas dire ça. Hey, je me sens déconnecté de mon auditoire. Parce que PewDiePie, là, je l'ai pas écouté une calisse de non, fois. Non, moi, il m'énerve. Je suis pas capable. Mais je comprends, là, mais whatever. Je comprends PewDiePie, mais je l'ai pas écouté une fois. Moi j'irais avec Stephen Amell. C'est con à dire, mais c'est parce que j'écoute des Arrow, puis je le trouve cool sur son Facebook. Hey, le gars, il répond à tout le monde. Ah ouais, je vais y écrire. Sans joke, c'est malade. Oui, ouais, t'sais-tu qui me répond sur Facebook? Non? À toi et fois? NyQuil. À toutes les fois que j'écris à NyQuil. Pourquoi NyQuil, tu parles à NyQuil? Je leur dis dans I love you NyQuil des fois, genre. Tu leur as-tu demandé s'ils savent c'est quoi Incredible Hulk? Non, je devrais. Je pense à la prochaine question. Fait que, qu'est-ce qu'on choisit, messieurs? Parce qu'il y a plein d'autres catégories ben, après. Moi, ok, ben moi, je vais aller avec le dude avec son Instagram. Bon, ok, ouais, Dan Bilzerian. Bon, ben, merci le public. On vous shift live là, mais Dan Bilzerian vient de gagner. Oui, c'est son attitude. Don't give a fuck. Je suis sur Instagram, j'ai de l'argent. Ah non, mais lui, il a du foin, ça n'a pas de sens. Là. Son sel doit toujours être mort avec les notifications. Là, c'est le choix du meilleur vidéo YouTube 2014. C'est une catégorie qui n'est pas évidente pour nous autres de parler d'un podcast parce que vous voyez pas le vidéo, puis peu importe la manière qu'on l'explique, c'est comme le gars qui raconte une histoire que t'étais pas là, puis elle est tout le temps plate parce qu'il fallait que tu sois là pour le vivre. Fait un vidéo. Fait que le vidéo YouTube je 2014. C'est quoi en partant, en voyant les choix qui sont là, là? Music Without the Music, Elvis Blue Suede Shoes. 10 Hours of Walking in NYC as a Woman. Sam Smith doublé pour chanter Tout Crush. Fucker Right in the Pussy. Boom Boom de Mika. Fait que je suis remonté dans l'autobus. Ça, il est tellement en vidéo, en photo, en audio. Que... Killer Clown Scare Prank. Ça, j'avoue, c'était fort. Angry Video Game Nerd. Mais ça, c'est un channel, ça. Ouais. Ok. C'est peut-être pour son film. Too Many Cooks. C'est pas un groupe pas de musique, de musique ça. Ouais. Jimmy Fallon, lui. Avez-vous vu une vidéo cette semaine où il apprend qu'il y avait une date avec Nicole Kidman? C'est malade. Non, je l'ai pas vu. T'as pas vu ça encore? I don't know, he took out a video game or something. Hey, c'est malade. Il apprend que ce gars-là était sur une date avec Nicole Kidman sans le savoir. Non, mais plus un meeting qu'elle était intéressée. Non, non, mais elle était intéressée par lui, puis lui, il a juste blow off ça, puis tu la quittes. Mais il l'apprend live à la TV. Puis ce qui est cool, c'est que le gars, il a tellement d'humilité... Puis il s'en calisse un peu, tu sais, il est comme « fuck off, là, gars, écoute, ça arrive à tout le monde. » Il coupe pas, il met live. Fait que, tu sais, ils ont pas censuré rien, il l'a mis. Ouais. Mais tu le vois dans sa face, le gars, après, il fait comme « what? » Puis il capote, là. Joueur du grenier. Là, j'ai un lien YouTube. OK, là, j'ai peur. Clique pas. Je vais clique. Je vais aller cliquer. T'as pas cliqué, t'as pesé C. Non, j'ai pas rien fait. OK. T'as peur. C'est une malade, il clique. Ah, je peux pas cliquer. Ah, bon, ben, gars, vous avez un lien, on ira le voir à la fin si on a besoin. Darth Vader versus Batman, ça, c'était c'est malade. Vrai, c'était malade en Chris. Shia LaBeouf live, wow. Ouais, non, quasiment ça, aussi bon que lui, à moi, c'est tenu. Ça, c'était fucking bon, ça, là. Le clip d'Anaconda, je ne sais pas c'est quoi YouTube. Oh, lui, il va sur Vivo. Ouais, lui, il est beaucoup trop élitiste. Je non, il va pas sur Vivo, il va sur Vimeo. Vimeo Master Race. Ouais, mais non, il va sur Voir. C'est lui qui a voté pour Julien Milter Bernard versus Chess. Milter NY Battle. Quelqu'un qui a voté juste pour man, moi. Man, il y a de quoi que ça. Ouais, je pense que cette ligne-là, je vois juste la skipper. Non, t'as skippé pas. Non, je vois les autres. One who has been deleted by the user. Je pense qu'on s'est fait troller, messieurs. Ballon de soccer sur la tête du jeune. Je pensais que c'était genre ballon dans la fourche. Tu sais, comme un Simpson classique. Jonathan Milter. Oh. Pas une vidéo, mais un trend, les compiles de Vine. J'avoue que les Vines cette année, c'est un social network qui marche mieux en dehors de son social network. Les compiles de Vine, ça pogne au bout. Un autre lien YouTube. Ah, faut qu'on apprenne. Non, faut qu'on figure comment les cliquer. Oh my god, on peut pas aller cliquer. Go to link. Ouais. Bon, je l'ouvre. Hey, hein? On anime un podcast sur Internet. On est même attends, attends. Ne fumez pas de potes. Ah, ben oui, les, bon, les, okay. les vidéos de marche. Fait que ne fumez pas de potes. J'avoue, le vidéo de la marche contre le pote, là. Mais ça, je le mets plus dans les vidéos québécois. Ouais. OK. Là, après ça, un autre, c'est Last Week Tonight, John Oliver. Ah, OK, c'est John Oliver. C'est très bon, John Oliver. Okay. Mais il y a plein de vidéos, là. Puis celle-là, c'est Go to Link. Kicked in the head by a par train. Ah, par le train. Non, mais attends, attends, je voulais, là. Tu joues, là. Oh! Le gars ah. il, c'est le chauffeur de train, il a sorti son pied quand il a vu que le jeune, il restait proche de la traque, il l'a kické dans la face. Fait du verre, j'ai mangé un miroir d'autobus sur le bord de la tête, parce que j'étais trop proche. Tu veux pas te faire kicker par n'importe quoi qui roule vite de même. Non, là, on a un choix, encore une fois, messieurs. Ben non, c'est évident que c'est fucker right in the pussy. Fucker right in the pussy! Ça, je pense que tout le monde, la première fois qu'ils l'ont vu, s'attendait juste pas à ça. Ouais. Puis après, tu l'as remis deux, trois fois pour faire « Attends, j'ai-tu vraiment vu ce qui s'est passé? » Y a-tu vraiment un gars qui a fait ça? Puis après, en plus, quand tu vois le trend que ça a parti, si on peut dire, parce qu'il y a eu d'autres mondes qui ont fait ben ça, ouais. d'autres journalistes. Pas Claude dans le passé. Et lui qui l'a fait plus qu'une fois, là. Mm-hmm. Mais moi, pour moi, c'est celle-là, là. Toi, Eric? De quoi, ça? Ton vidéo YouTube 2014. Si t'as tranché, tu prends lequel? Fuck around the pussy. Fuck around the pussy, man. Come on. Mais c'est parce qu'il faut qu'on en choisisse juste un, c'est ça? Ouais. Ben, c'est lui qu'on choisit. Mais... c'est lui que vous choisissez. En fait, moi tu vois, c'est un ex-aequo entre ça ou Jimmy Fallon. Jimmy Fallon a gagné YouTube une couple de fois cette année. Ben, oui, mais je sais pas comment dire ça. J'ai de la misère à les considérer comme un. Ouais. Ben, sais-tu quoi? Le 10 Hours of Walking in New York... As a woman, c'est vraiment plate. Chris, oui, man. Hey, ça, quand j'ai vu ça, j'ai fait comme, ah, c'est puis... propagande de merde. Puis là, le lendemain, après, c'est les vidéos qui disent, check comment c'est juste des noirs puis qui ont coupé les blancs. Puis là, t'es comme, ah, 10 hours of walking in Skyrim. J'avoue que je pense que qu'est-ce qui a suivi le 10 hours of walking in New York était hot. Qu'est-ce qui a suivi. Mais je trouvais ça étrange, un montage, parce que... Je veux pas embarquer dans tout le débat, là, mais je trouve ça plate qu'un gars peut plus cruiser une femme. André, il veut pas que j'en parle. Non, en fait, c'est parce qu'on a d'autres catégories. Je fais le mot. Quand je fais la crécelle, c'est que c'est l'heure d'avancer. OK, tu sais quoi? Je vais aller avec les vidéos. Je vais aller avec Darth Vader vs. Batman parce que c'était malade. Hey, moi, je... Puis God. Darth Vader vs. Batman, c'était vraiment malade. Milter, j'ai besoin que tu me back. Nick serait ici, t'es le frais, mais... Chia le bœuf live. Ouais, ça je m'en ai dit. Chia le bœuf live. Juste pour le what the fuck factor. Là. Ouais. Puis qu'il est dedans. Il est dedans en plus. Puis ça c'était malade. Là. Puis c'est notre bro dog. Ben, Chia le bœuf, c'est notre bro dog. Un invité du collectif au 2015. Ouais. Catégorie personnalité web QC 2014. Les nominés cette année sont Gabrois. Ce qui est dans le web cette année, il c'est chaîne par ben, sa, il chaîne par sa... Comment qu'il dit ça? Par sa... Mise en demeure? Non, mais... ouais. Mais par son absence, il brille avec son absence. Ben, le pire, c'est que je pense que ça y fait quasiment du bien puis ça va le faire paraître encore mieux. Ouais. Murphy Cooper, Franglais, Verdun Love. Tim Hortons. Moi, le pont... pas le pont, le fleuve Gate. Le fleuve Gate, j'avoue que ça c'est pas pire. Il m'a toujours pas délité. Je pense que je me suis fait menacer d'être délité par lui dans des vidéos qui dit qu'il va déliter plein de monde. Ouais, il dit qu'il va déliter tout le monde qui se transfère pas au vegan lifestyle. Ouais, il m'a pas délité encore. Mike Ward, documentaire sur le web et ce show. Oui. Milter, Murphy Cooper une deuxième fois. Avec raison, il est vraiment. Il fait son affaire. Murphy, il a l'affaire, là. Denis son... Talbot, Joël Martel pour le FIA. Geneviève Caron, Denis Talbot une deuxième fois, Milter une deuxième fois, André Paquette. Qu'est-ce que c'est, Calis? Mathieu Bonin. C'est André Paquette. Je me suis fait nominer, ça a l'air, je sais même pas pourquoi. Joël Martel une deuxième fois. Joël, là, il a le FIA, man, cette année, les artistes. C'est comme le grand-père du WebQC. Joël sait comment ça marche. Denis Talbot une troisième fois, Jack Dion, Jake. Jake. C'est qui ça? Jake. J-E-I-K. Dion. Milter, fais-nous une traduction. Je t'aime bien. Luduc. Mais Jake, je sais pas quoi dire. Qu'est-ce qu'il fait? Luduc, là, j'aurais dû faire une catégorie meilleur cheveux web QC 2014. Luduc aurait gagné. Ou Truduc aurait gagné. Luduc aurait dit qu'il a gagné. Milter, t'es nominé une autre fois. Julien Bernatchez. Sais-tu quoi, man? Moi, faut que je te dise, je vais pas le trancher. Je pense qu'il a été voté une fois. Julien Bernatchez. malade. Il est malade, ce gars-là. Il est tellement fucking drôle. Bande passante, c'est une des affaires les plus drôles. J'adore. Puis c'est vraiment de l'humour absurde là, que je trouve. Ben, juste quand on checkait tantôt, Epic News QC, quand il dit « Ouais, là, j'ai un univers un peu de marde parce que mon voisin il a déplugué son internet, fait que je peux plus me connecter. J'ai pogné la gastro, mais là, j'ai pas de toilette, fait que je chie dans le lavabo. » J'ai tombé dessus avec sa bande passante, Puis après ça, j'ai commencé à checker sur lui un peu sur Facebook. Puis j'ai tombé sur son YouTube channel. Puis j'ai vu son esti de fucking audition juste pour rire. Ouais, il a fait en route. Ben, les auditions en route. Ben, les auditions en route, là. Puis il s'est fait démolir par les juges. Mais il était tellement fucking drôle. C'est, parce que c'est là que t'as l'humour conventionnel. Là, puis t'as l'humour qui nous fait. C'est l'humour absurde, là. C'est ça. Puis c'est ça. C'est pas. En tout cas, il est pas fit pour le juste pour rire, I guess. Mais il était cœurant. Joël Martel, un autre shot. Milton, un autre shot. Gabrois, voyons. Boudreau qui a voté pour lui-même, je pense. Ça, c'est quelqu'un qui trippe sur... Milton, encore une fois. Non, Boudreau, il est du genre à pas voter pour lui. Guise d'épée, le jeu, c'est sérieux. Je sais pas. Pelep, Marc-André Boudreau. Écoute, je pense que c'est un tie entre Marc-André Boudreau, Joël Martel, puis Milton. Moi, je dis... Moi, j'aurais dit Murphy Cooper. C'est ouais, moi aussi, j'aurais dit. Mais Joël Martel aussi. Là, moi, honnêtement, j'aurais été avec Joël. Sa présence en général, le FIA, ça a été incroyable. Son épisode avec Véronique Cloutier, là, il n'y a pas longtemps. Ouais. Hey, ça, là, c'était pissant, mon gars. C'était quelque chose. Mais tu vois, Joël, je trouve que c'est un peu un conte que peut-être un paquet de monde va faire. C'est qui ça, Joël Martel? Chris, man, ce gars-là me fait rire sur une base quotidienne. Ouais. Tu sais, quand il marque, là, mettons, attention, je vais publier mes remerciements de 2015 dans quelques instants. Juste affaire de même, moi, ça me fait rire, ça. Sur des statuts qui vont venir. Genre, c'est ça. Il écrit des heures, puis à 22h47, je vous écris ma recette de muffins au thon, genre. Des comme... muffins au thon? Ouais, mais c'est Joël. Moi, j'ai aimé le bout où il streamait dans son garage à prendre des appels téléphoniques du monde random. Ouais, c'est vrai. T'sais, Joël, moi, selon moi, il a gagné le web en 2014, puis peut-être même avant ça. Il fait à sa façon, ça. Il est constant, Joël. Mais c'est ça qui arrive. Il est tout le temps... J'adore Murphy Cooper. Murphy, il a pris de la place avec des gros coups, je dirais. Là. Mais Joël est constant. Ouais. Ben, Murphy avec, mais c'est un autre style. C'est tough, man. C'est tough. Lequel qu'on prend? Eric, va faire tu tranches. À Murphy Cooper, moi, je trouve. Murphy Cooper. Non, mais puis j'ai rien contre Joël Martel. J'adore ce que Joël Martel fait. Je le vois un peu comme le Godfather du WebQC, là, si tu décides de t'aventurer là-dedans. Oh, il s'est établi loin, tout mais, le monde. Mais Murphy Cooper, il a bien capitalisé sur. Murphy Cooper me fait penser à Zach Galifianakis. Surtout si tu décides de juste songer vieux dans son Facebook. Non, mais si tu vas loin dans son Facebook aussi, tu peux voir une évolution au personnage. Ouais, mais il a décidé, c'est ça qui est le fun. De rajouter, puis il 2014, c'est, il y a comme all the way, je vais rire du grand public, puis des niaiseries qu'on voit sur Good Internet. For him. Moi, je trouve ça vraiment drôle, puis c'est vraiment bon. Il l'a bien. Fait que moi, excellent. C'est ça que je dis. OK, fait que Murphy Cooper, dans le fond, gagne Internet en 2014. Prochaine catégorie, messieurs, vous êtes prêts? Oui. Meilleure vidéo YouTube québécois 2014. On débute les nominés avec À la recherche de Rob Ford. Oui, Gab Jonka. Ah, c'est vrai, hein? Ça devrait... NXT Kevin Owens versus Sami Zayn. Aucune idée. J'ai aucune crise d'idée, c'est quoi? Marche non à le pote. Oui, ça c'était Gab Jonka encore. Radio Talbot spécial Noël et mystérieux étonnant. Ça c'était cool cette année, il y a même un puppet dedans. Ouais. Eux autres, un décor me fait capoter. Puppet, si je me trompe. Tu sais, c'est comme nous autres, on filme ça dans mon salon, mais eux autres, il y avait un décor puis toute l'équipe, c'est incroyable. Ben, quand t'as accès à des studios, genre. Boum, boum de Mika, lol. Ça c'était. C'est moi qui haïs cette tune-là, fait que quelqu'un l'a répondu plusieurs fois. Fait que je suis remonté dans l'autobus. Les Power Chasers dans les marchés aux puces, ça, j'ai aimé ces vidéos-là, c'était drôle. J'adore ça. Ces gars-là, ils me font rire. Là. The guy who said eating pussy is gross. Ah, c'est Prince Rovers. C'est un petit jeune de l'Internet québécois qui a beaucoup trop de followers pour le bien de la société et sûrement le sien. Et c'est un genre de petit, je veux pas... à rien dire de méchant ou d'islamophobe ou de je sais pas quoi, mais je pense qu'il est arabe ou quelque chose. OK. Puis ah, c'est pas le gars qui a ses vidéos de lui qui fourre des filles. Puis... Ben, il fait plein de vidéos qu'il parle, qui dit que comme quoi que c'est dégueulasse les hommes qui mangent des vagins, mais je pense qu'il a 17 ans, genre. Puis il chaîne des palettes de cash, là. Puis une fois ou trois mois, si vous suivez le compte de Prince Rover sur Facebook, il y a une fille qui décide de mettre une photo de lui en train de se faire sucer sur Internet, dans même live. C'est comme n'importe quoi, là, ce profil de petit gars-là, genre, là. Puis ah, mais c'est-tu un meilleur vidéo YouTube 2014? C'est loin d'être un meilleur vidéo, mais ça a dû okay. marquer... tellement... Parce que il fait quand même voir ses vidéos par du 30-40 000 personnes, là. Facilement, là. Puis c'est des vidéos de lui dans des Mercedes louées à son père avec des palettes de cash, puis qui parle de comment c'est dégueulasse manger des vagins. Les couilles avec Charles Tissère. Oui. Ça, c'était fucking drôle, par exemple. Ben, Charles Tissère, il est drôle. Rétro nouveau. Absolument. Chain, le sac général. Surprise d'Arcade Rétro. Les sacs surprises d'Arcade Rétro. Les questions malaisantes du FIA de Gab Jonka. Oui, ouais, c'est ça, vrai, j'avoue ça, que bon. Gab Jonka, il maîtrise son WebQC, lui. Ouais. YouTube est bloqué dans ma maison. OK. T'as trop fait de. Milter versus Milter, Québec Batman. OK, toi, Dredd en partant, t'es plus là. Cette ligne-là. Eagle snatching 3-year-old at Mont-Royal. Ça, c'était pas 2013. Ouais, il me semble. Mais ouais, peu c'est importe, un petit bien fait. Ellie Pilon. OK. Tu sais qui, ça ou... De même. Non, okay. Web person. Jonathan Milter, je sais pas. Hey boy, ouais, fait que. Oui, oui. À la recherche de Rob Ford, moi. Moi, je suis prêt à juste dire Gab Jonka. Gab Jonka, tu gagnes YouTube québécois 2014. Non, le pote, ça vient de lui. Rob Ford, l'autre affaire, que je me souviens même plus c'est quoi, là, mais c'est lui son autre vidéo. Il est supposé de sortir une vidéo d'une ride à Gaspésie depuis un an, mais je pense qu'il a perdu les fichiers, puis le monde il harcèle encore sur Facebook. C'est mais aussi, là, Gaspésie? Je suggère aux gens d'aller sur sa chaîne YouTube. Ce jeune-là, il travaille ses vidéos, ça fait longtemps. Chris, il y a de la post-prod, man, c'est malade. Non, mais même si, comme tu le vois, il y a des vidéos de lui là, en voyage à Vancouver avec son chum, genre 3 ans passés, avec plein de post-prod, tu vois, comme qui tripmerait de faire ça. Il fait des petites vidéos avec ses frères à Noël... qui pop une bouteille de champagne, mais ils ont 4 cellulaires pour montrer genre qu'il y a pop dans la couille gauche de l'autre, puis il y a comme un cellulaire sur la couille, tu sais, un genre de mini jackass de frère qui se réunit à Noël. Mais il aurait pu juste là, filmer puis uploader en une minute. Là. Mais non, ils ont pris 4 cellules, uploader les 4 dans l'ordi pour faire une post-prod du vidéo, tu sais. Ah, il met du détail. Ça montre que tu mets de l'effort dans qu'est-ce que tu fais. Puis, Fait que dans le fond, Gab Jonka. Puis il était à l'émission à Musique Plus là, de Mike Ward, le gars. On peut-tu l'avoir au podcast, lui, cette année? Gab, facile, avec sa blonde. Il sort avec Emily, là, qui fait du cosplay. Qu'on bon, mais gars, Chris, man, on Gab, va voir on... les deux. Hein. Il est déjà willing, j'ai parlé, on va s'arranger avec. Bon, that's it. Meilleur site Internet 2014. Nominé, combini.com. Ben, vas-tu, j'ai aucune idée, c'est quoi? Combini, c'est moi qui l'ai nominé, esti. C'est un site de nouvelles en France. Non, en fait. Ça, c'est toi qui l'as nominé. Fait que c'est toi qui as nominé PewDiePie aussi? Non. Oui. Mais regarde, Combini, là, c'est comme All Pop Everything. Allez checker ça à un moment donné. KONBINI.com. Ouais, j'ai aucune idée c'est quoi ça. Ça, sans joke, c'est Clem qui m'a montré ça. T'as un paquet d'affaires là-dessus. C'est super cool. C'est toujours récent. J'aime bien ce site-là. Beaucoup de nouvelles sur Charlie Hebdo, à ce que je vois. 3bières.com Reddit, même si j'y vais pas. Simons, avec les leggings pour hommes, avec un imprimé de salade de fruits. C'est vrai, ça, c'est hot, je les ai vus, j'en voulais pour rire. Geekcollectif.com oh. IMDB ou RZO Web. Ben, IMDB. RZO, ça fait têteux, mais c'est moi. Mais moi, c'est ce qui m'accompagne mes nuits d'insomnie saut. Excellent. Chicks with Steve Buscemi Eyes. Je peux-tu me faire une confidence? Ça, je l'ai vu. J'avais jamais vu ce site avant de voir les résultats, c'est avant spécial, l'émission. Hein. Puis c'est un gars qui photoshop les yeux de Steve Buscemi sur un paquet de filles. Ouais. C'est quoi, ça, malade. C'est creepy, ça, c'est creepy au bout, mais c'est cool. Allez regarder ça. Les gens qui nous écoutent live, là, checkez-le en même temps. Là, vous allez voir, c'est phénoménal. Reddit, Tazar. Fuck Tazar. Fuck Tazar. Facebook. Épée légendaire. On sent les plugs. Google, BoardGameGeek.com, YouTube, Le choix de PV.TV. Never Forget 2014, je te poursuis mon hostie. C'est le site de Pat Vaillancourt pour ceux qui... Welcome to the internet. Tointernet.org. Jonathan Milter.com. T'as un point .com, Milter? Non. Reddit. Le vrai Gabrois, Milter. Axe du Mad. What color is it? Pinterest. IGN. L'Axe du Mad. Reddit, à date, a pas mal gagné. Avec raison, c'est malade. Reddit, c'est un peu comme le trou de cul de l'Internet où tout se retrouve là, puis... Ben, Reddit, tout part de là, faut dire. Parce que le monde qui poste de quoi, le poste sur Reddit, puis tout le monde qui ont peu importe quoi, qui ont un blog, là, tout le monde qui ont un blog poste leur journée sur Reddit à attendre que quelqu'un poste une petite niaiserie pour aller re-sharer. La prendre puis la mettre partout sur Internet comme si c'est leur nouvelle. Tu parles du web QC, là. Non, du web. Ah, le général. Web en général. Le Reddit, c'est ça. Le traduit, au moins. Le web QC va attendre que Uprox pose de quoi, puis ils vont le traduire pour après le mettre sur leur site puis attirer une centaine de mille de clics s'ils sont chanceux. Comme Mathieu Bonnet fait, dans le fond. Fait que, dans le fond, Reddit a gagné le meilleur site 2014, oui, mais Reddit. Ça aurait peut-être dû être le meilleur site 2013, 2012, 2011, 2010. Mais cette année, prochaine catégorie, en fait l'année dernière, faut que je m'habitue, 2015, hein? Meilleure application iOS Android de 2014. Service mobile stationnement à Montréal. Meme generator, mais pour les bonnes raisons. Hashtag les gens qui ne savent how to meme. Ouais. Monument Valley. Podcast Addict. Wacky. Wakey, c'est l'application pardon. Que j'ai parlé, là, quand tu t'es réveillé par n'importe qui. IMDb Podcast. Deezer. Flappy Bird. Alien Blue. C'est Reddit, ça. Android Wear. Facebook. Tinder. Tinder, oh. 2048. Kingdom Rush Origin. Password Box. Spotify. Vine. Streaming Buffet. C'est quoi Streaming Buffet? Snapchat for the Pussies. Snapchat. C'est quoi Streaming Buffet? Tinder. Volgaverdi. C'est quoi Streaming Buffet? J'en ai aucune calisse d'idée. Okay. Tetris. Shazam. OK, il y a comme un... C'est con à dire, mais... C'est un peu la même affaire, les deux. C'est juste que la manière que tu t'en sers, c'est différent, mais c'est un nix et quoi entre Tinder et Snapchat. Ouais, hein, quand tu y penses. Snapchat, on s'entend que c'est des photos seulement. On s'entend-tu que... Ouais, mais Snapchat est l'évolution de Tinder. Tu vas sur Tinder pour swiper à gauche puis à droite. Puis après, t'envoies des photos de tes parties génitales sur Snapchat. J'imagine, c'est ça. Il y a pas juste... Moi, je suis pas là-dessus, là. C'est Tinder, je parle. OK. Mais je suis sur Snapchat, par exemple. Mais je vois des affaires de... Moi, personnellement, je vais dire c'est Tinder. Juste parce que toutes les histoires que j'ai entendues, même si j'ai jamais installé cette affaire-là de ma vie, mais toutes les histoires d'amis à ma blonde, des fois, qui viennent chez nous... C'est malade, hein? Ils en parlent au bureau, des fois, puis je suis comme... Attends peu. T'es comme jeudi soir, 7h30... T'as swipé d'un bord de ton écran dans l'application. 15 minutes après, t'as un message qui dit t'as-tu d'aller chez nous pour... Encore plus tard. Regarde, il est 7h30, là, puis à 11h, le monde sont comme en train de se rhabiller avec du regret, puis... Ah ouais. Chris, c'est quoi cette application-là? C'est quelque chose que t'aurais aimé à la place du classeur, je pense. À 16 ans ou à 17 ans, là, ça aurait été écœurant, ça. Ouais, mais pas rien que ça. Ça, c'est le monde qui font les moves pour... Moi, les amis à ma blonde, ils me disent, des fois, je fais juste liker quelqu'un, puis il me like de son bord ou quelque chose de même, là, puis deux secondes après, ils reçoivent des photos de monde qui se touche, puis qui font des vidéos, puis des options comme « Ah! » Fait que c'est comme Reddit. Ouais, dans un sens. C'est comme Snapchat. C'est un mélange de Reddit, puis SpaceX dans Reddit. OK, avec Snapchat. Mais là, on a un choix à faire encore une fois, mesdames et messieurs. Nous sommes le droit de veto. Mais comme Tinder ou Snapchat? Mais comme homme marié depuis les derniers 4-5 ans, avec ma même femme depuis 10 ans, ben on va dire Tinder, c'est normal. Ben ouais, c'est ça. Chris, t'es daring, mon gars, parce qu'on met ça en ligne après. Moi, avec, je vais dire Tinder, juste non, mais c'est parce qu'elle me connaît bien trop, là. Ah, ben là, moi, je vais y aller avec la pression sociale, là, tu sais, je vais dire Tinder aussi. Fait que Tinder application Tinder, iOS Android 2014. Tinder, Badou, même affaire. Tinder, Badou, même combat. Badou. Zoosk. T'as les deux. Hein. C'est quoi Zoosk? Je reçois encore des friend invites ou des suggestions de Zoosk. Grindr pour nos auditeurs homosexuels. Le meilleur film 2014. Oh, là, on embarque dans des choses intéressantes. Là, on embarque dans des choses intéressantes, mais tu vas voir que là, il y a une tendance qui se maintient. Guardians of... les nominés cette année sont Guardians of the Galaxy. Movies are... Non, en fait, excuse. Movie are... Ça prend un S à movies quand on dit ouais. Movies are overrated. Faut movie conjuguer. C'est un pluriel. Gravity. Guardian of the Galaxy. Movies Guardians. Are overrated. Mais attends, peux-tu prendre deux secondes? Oui, on peut prendre. Pour... Garde-toi, Eric. Pourquoi prendre le temps d'écrire que des films, c'est overrated? Je veux dire, est-ce que les films, pour toi, ça t'a tellement ruiné ta vie quotidienne que tu penses qu'aller voir un cinéma, pour toi, t'es au-dessus de ça? Un film, c'est de la merde. Quand est-ce que les films sont devenus du stock de passé, là? Mais non, mais c'est quelqu'un qui fait un statement sur... C'est quoi le statement? Non, mais le statement, les c'est films, que... c'est pas cool. Je suis tellement fâché envers les films que j'ai pris le temps de remplir le questionnaire d'un podcast pas connu québécois. Mais c'est quoi, là? C'est Xavier Nolan là, qui vient de dire ça? Non, oui. Comme Xavier lui, Nolan, non, mais peut-être Xavier Dolan, par exemple. Whatever, man. Il a fait des films, fait qu'il va pas dire que c'est overrated. Mais non, mais lui, il va dire temps-ci, que... il parlera pas bien gros. Mais il va regarder notre liste. Ouais. Il va regarder notre liste, puis il va penser que c'est toute une liste de films pour le mais peuple. Mais ce que je vous propose, messieurs, c'est de continuer les nominations pour réaliser à quel point on n'a pas un auditoire niche. Donc, ouais. Les prochains Gravité. Guardians of the Galaxy, Guardians of the Galaxy, Mummy, X-Men, Days of the Future Past, Guardians of the Galaxy, naturellement, Interstellar, oui, Nightcrawler, oui. Nightcrawler qui a passé inaperçu, puis c'était super j'ai bon. Vu, ça. L'as-tu vu toi? Parce que moi j'ai pas vu, j'ai vu une scène quand j'étais allé voir un film. En attendant notre film, on est allé voir un film, c'était Nightcrawler. Écoute les. Puis man, c'était on était vraiment impressionnés, puis on avait vraiment le goût de finir d'écouter. Guardians of the Galaxy. Pour être franc, j'étais juste déçu que ça n'avait pas rapport avec la X-Men du même nom. Quand j'ai ouais, vu, j'avoue que le nom, il y a gaffe. J'attendais qu'il se transforme, genre, j'étais gay, ouais. What We Do in the Shadows. Ça, je ne connais pas ça, par exemple. Hunger Games. Interstellar. Interstellar. C'est bon, ça. Ouais, Guardians of the Galaxy. Guardians of the Galaxy. Guardians of the Galaxy. Guardians of the Galaxy. The Hobbit. Oh. Pas vrai? On a un fan. Sais-tu quoi? Moi, je l'ai vu, The Hobbit, puis je dois dire, bien franchement, que ça aurait dû être deux films, puis pas trois. Mais c'est le fun, là. Mais... Moi, je vais vous faire une confidence. J'ai pas vu un nasty de Hobbit au cinéma. Moi non plus. Puis depuis Lord of the Rings, là, je n'écouterai pas un Chris. J'ai même pas le goût d'en voir un. De quoi moi tu parles, plus... Milter? Toi, c'est pas du style de film que t'aimes, ça? J'ai vu toutes les Lord of the Rings, mais de si Hobbit, on continue, c'est du médiéval, dude. Proxy. Birdman avec Michael Keaton. Overrated comme acteur. Hein, Interstamilter. Tabarnak. Hot Dogs. Oh, wait. En fait, c'était Hot Dog, le film. Il n'y a pas de S, ça aussi. Harry Potter va à Poudlard. Ah, oh, c'est cute, c'est deux, ça. C'est cute. Interstellar, encore une fois. 300, Rise of an Empire. Oh, oui, OK. The Lego Movie. Ça, très c'était bon. Cool. Moi, j'ai bien aimé. J'ai aimé ça, moi. Hobbit 3. Ça doit être une phrase qui existe. Ah, Mommy, hey, t'es il y a vraiment Mommy. Mama. Ben, c'est correct. Puis, Mama. C'est ça. Fait que dans le fond, c'est un duel entre Interstellar et Guardians of ben, the Galaxy. Mais Guardians a gagné très facilement. Il y a du monde qui l'ont dit que c'était le plus hot film de Marvel depuis le début des films de Marvel. Ça, je sais pas si je suis prêt à dire ça, mais... Mais moi, je pense que c'est quand même un film qui est venu me chercher plus que tous les autres. C'est le plus accessible. C'était le fun, c'était rafraîchissant. Puis beaucoup de monde qui avait aucune maudite idée c'était qui, les ouais. Guardians of the Galaxy avant. Fait que quand ils ont annoncé ça, puis je me souviens, c'est à la fin d'Avengers, je pense qu'il y a comme un petit... Ouais, un petit tease. Un petit tease comme ils font, puis tu fais comme, oh shit, Guardians of the Galaxy. Puis là, je me souviens tout le monde, parce que je l'avais vu au cinéma, ça regarde, puis ils font j'ai aucune idée c'est qui ça genre là, ou de quoi, puis ils ont toute une face de chevreuil d'un spotlight de char là. Fait que là que tout le monde trippe, moi je trouve ça hot, puis en plus il y en a qui disent que c'est comme un nouveau Star Wars, je trouve ça cool là, tout ça. Ben ouais, effectivement, puis ça a été très il était bien tout reçu. Le monde l'attendait, ça a été bien reçu, tu sais. Puis même le monde qui aime pas ce genre de film là d'habitude, le soundtrack a ouvert des portes à bien des personnes aussi. Puis ils ont bien joué leur game marketing, tu sais. Ils ont donné le mixtape. Ce film là connaît son audience à son meilleur. Ouais, ils l'ont exploité, parce que l'audience là, c'est des hommes dans leur trentaine, simple comme ça. Puis ouais. Ils ont exactement su comment aller chercher ces exactement. Hommes dans la trentaine. Prochaine catégorie: meilleure série télé de 2014. Nomination cette année, Halt and Catch Fire de AMC. Absolument. Fairy Tale, animé plus grand que live action. Et ça, c'est la même personne qui a dit que les films sont overrated. Mais tu dis quoi? Des estis d'animés, c'est overrated. Okay. Esti de calice, c'est rendu tellement fucking get the fuck out, man. La théorie du chaos, hashtag lutte, ouais. Parenthèse, la seule série que j'ai eu le temps de regarder, parenthèse. Les Jeunes Loups, Walking Dead, Shameless, Californication, Gotham. Ce qui est cool, c'est que j'aime ça quand on demande une chose, puis le monde nous en pitch trois. Ouais. Série noire. Série noire que ça a pogné beaucoup, ça, cette année, puis apparemment que c'est super bon, va faire, je l'écoute. Ouais. The Flash, que j'ai bien aimé. Walking Dead, deuxième nomination. Deuxième nomination. Gotham, deuxième nomination. Doctor Who, Season 8. The Flash, deux fois. Game of Thrones, première fois. True Detective. Ah, c'est bon, ça. Ça, c'était fucking bon. C'est notre première de True Detective. Première de True Detective. Game of Thrones, deuxième fois. Banshee. La saison 3 a débuté vendredi et c'est de retour, c'est bon. Banshee, si vous n'avez pas écouté ça, allez donner une chance à Banshee. Gotham à date qui prend la pole position. TVO Nouvelle. C'est pas une série de rien. C'est, okay. C'est une page Facebook. Fait que du troll. Ouais. Sonic Highways. The Fall. Walking Milton. Tabarnak. Walking Dead. Sons of Anarchy. Que je suis rendu en deux semaines, je suis rendu à saison 6. Il y en a combien, 6? 7. Okay. Je la finis dans pas long. Ce show avec Mike Ward, Hannibal, The Flash, Legend of Korra, Book 4. Tes animés là, que t'aimais pas, là, Eric? Là? C'est overrated. C'est pas, écoute The Legend of Korra. J'ai déjà essayé. C'est la suite d'Avatar. C'est américain, par exemple. Pas, j'ai déjà essayé. Mais qui risque que c'est bon? Sauver du temps, là. Le punch de la fin, c'est qu'elle est lesbienne. Quoi? Tu l'as pas vu? Non. Et c'est fini, là. Tu viens de me spoiler. Oh, excuse. Regarde, on le sait depuis le début, là, son ami Faye, là, qui a l'air d'un gars un peu, là, mais that's it, il se french à la fin. C'est de la merde, écoutez pas ça. J'ai tout vu, mon gars, il trippe. Doctor Who! House of Cards. House of Cards, que c'était fucking bon, ça, avec. Game of Thrones... Et ça arrête là. Je pense que c'est Game of Thrones, hein. Gotham, il y en a beaucoup. Gotham a eu beaucoup de nominations cette année. Ben, le choix du public est Gotham. Ouais. Ou The Flash, qui est un Game peu of Thrones. Non, Game of Thrones, il n'y en a pas eu assez. Là. Moi, ah, ben oui, il y en a eu un. Il y en a eu trois. Il y en a eu moins que Gotham. Il y en a eu trois. Gotham en a eu plus. Moi, je suis pas un fan, mais comment dire ça? J'ai écouté un petit peu de Flash. Puis je trouve que la série bon. Était bonne. Ouais. Comparé à Gotham, que j'étais hype pour le voir, puis j'entends. Ok, il y a du monde que j'entends des commentaires d'un côté, mais que c'est du monde que je peux plus ou moins prendre la critique au sérieux parce que soit qu'ils aiment trop puis qu'ils se forcent à aimer de quoi, genre, ce monde-là, je sais pas comment dire ça, là, mais en tout cas, ils sont pas crédibles dans leurs critiques, tandis que d'autres gens que je vois, ils ont des critiques plus sensées, puis c'est pas vargeux, on dirait que c'est que le monde dit sur Gotham, fait que j'en ai plein dans mon ordinateur qui m'attendent à être streamé. Sur le site officiel de CTV, naturellement. Mais moi, je te comprends là-dessus parce que Gotham, c'est con à dire, mais ça aurait pu s'appeler Awkward City Crime Drama, puis j'aurais aimé ça autant que ça s'appelle Gotham. C'est juste que là, t'en as un qui s'appelle Gordon, puis l'autre, c'est le pingouin, puis l'autre, t'as Maroney, puis t'as l'affaire. Fish Mooney, puis t'as l'affaire. Fish Mooney, c'est un personnage original. Ouais, non, je sais, mais. Ça aurait pu s'appeler n'importe quoi d'autre, puis j'aurais trouvé. Moi, c'est autant. Pas mon choix, mais je l'ai aimé. Moi, mon choix, c'est Halt and Catch Fire. Moi, mon choix, c'est Halt and Catch Fire avec. Moi, je sais même pas de quoi vous Halt and Catch Fire, c'est AMC qui ont fait un drame sur les gens qui inventent le premier ordinateur portable. C'est inspiré d'une histoire vécue, c'est inspiré de Compaq, puis c'est malade. La direction artistique, la manière qu'ils t'embarquent ça, les personnages la manière sont, que ça finit. Sont le fun. Hey, j'ai hâte de voir la suite. Moi, je veux juste voir. Parce que... Il y a eu une saison à date? Il y a eu une saison à date, puis c'est vraiment fou. Puis on a passé le spoiler, là, moi, je trouve. Là, mais qu'est-ce qui est hot de cette série-là? C'est que tu vois la création. Comme tu passes toute une saison à voir quelque chose qui se passe pour un portable, juste pour que ça fait comme un mais. mais tu te rends compte que t'as toute l'industrie du Silicon Valley qui commence à la fin. T'as le futur de l'Internet, t'as le futur ben, c'est de parce qu'est-ce que IBM perd le monopole, t'as l'Internet pis les BBS qui commencent à rentrer là-dedans. Puis t'as les gens de compagnies Free Spirit qui ils sont comme « Yo, je peux charger pour donner accès à l'Internet. » Ouais. Les gens vont se connecter. Puis tu le vois direct au début, là, mais c'est vraiment... C'est le Halt and Catch Fire, c'est pas le portable. C'est ça. C'est tout qu'est-ce que nous, qu'est-ce qu'on fait en ce moment, comment est-ce qu'on interagit, pourquoi que Murphy Cooper existe. C'est ça. Moi, ça me fait, j'adore Halt and Catch Fire. Parce que c'est pas juste un portable. Si tu penses que c'est juste la création d'un portable... Là, mais gars, moi, la seule que j'ai écoutée dans la gang, presque, c'est Walking Dead, que j'ai écouté au complet. Fait que je vais te dire que c'est ça mon choix, mais vous gagnez pareil à deux... Non, mais écoute... Mais en ça fait, m'intéresse, c'est affaire. Gotham qui gagne, ouais, Gotham gagne pour le choix du public. Du public. Le choix des auditeurs, c'est Gotham cette année, donc félicitations à Gotham. Gotham, j'ai le goût de l'écouter, j'ai juste pas eu le temps encore. Puis, certainement pas Fairy Tail, mais des animés. Là. C'est bon, des animés, mais on s'excuse. Attends, tellement overrated. Prochaine catégorie. Nous sommes rendus à Meilleur acteur 2014. On va y aller en rafale pour les deux prochaines catégories, messieurs. Meilleur acteur 2014, Matthew McConaughey. Bill Cosby, avec des bonhommes sourires. Chris Pratt, Jim Pearson, de Big Bang Theory. Le CGI de TMNT, Matthew McConaughey. Peter Dinklage, spoiler, son monologue au tribunal m'a littéralement donné la chair de poule. Matthew McConaughey, Jake Gyllenhaal, Vin Diesel, Groot. Eddie Redmayne. Même si ah, c'est l'acteur de Theory of Everything, fait que okay. Ça doit être l'acteur qui fait Stephen Hawking. Ah, ouais. D'accord. Robert Downey Jr., Peter Dinklage, Michael Keaton dans Birdman, Leonardo DiCaprio. Pourquoi j'ai dit ça avec un accent? C'est bizarre, hein? T'es carrément sorti du Texas. L'esprit de Mike Gaultier a pris... Matthew McConaughey, Chris Pratt, Manuel Valls. Je sais pas c'est qui, lui. Manuel Valls. Joe Swanberg. Michael Keaton, overrated. Matthew McConaughey, Justin Bieber, Heath Ledger, Chris Pratt, Keanu Reeves, pour vrai. Mais il y a son film de revanche, bon, ben, là. Le nom, il ne me revient pas. C'est super simple, on close ça de même, mais Matthew McConaughey a gagné cette année. Hein. True Detective, c'est drôle que le gars, il gagne meilleur acteur de l'année, mais Chris, sa série n'est même pas nominée, tu sais, c'est... Ben, je trouve ça étrange. Il y a une personne qui l'a dit. C'était moi. Ah, c'était toi. Non, je déconne, c'était pas moi. Moi, j'ai dit Halt and Catch Fire. Non, mais mon deuxième choix était True Detective, par contre. Meilleure actrice 2014, Jennifer Lawrence, Because Fappening. Oh boy. Jennifer Lawrence, Celeb Gate. La fille qui voulait s'ouvrir sa compagnie de prods dans la série de QAZ Télé. Oh my god, c'est Jennifer Lawrence qui gagne. Là, on arrête. Christy Mack. Eh boy, c'est pas la fille qui a mangé une volée par Scarlett Johansson. J'avais pas le choix d'écrire, fait que j'ai googlé, puis ça a l'air que c'est Kate Blanchett. Jessica Chastain, Jennifer Lawrence, pour son rôle dans The Fappening. Oh my god. Jennifer Lawrence, because I can't think of anything else. Marie-Lou Wolfe, Macy Williams, Anne Dorval, Sandra Bullock, Emily Blunt dans Edge of Tomorrow. C'était bon, hein, Chris, Edge of Tomorrow. Jennifer Lawrence, Kate Blanchett, Jessica. Mais je pense Rangie, que ça, c'était un legit pour Jennifer Lawrence. Kate Blanchett, Marie-Chantal Toupin, Elizabeth Taylor, Jennifer Lawrence. Chris, je pense que c'est Jennifer, Lawrence qui gagne. J'ai... Peut-être pas pour les bonnes raisons. Ah, mais pour toutes les bonnes raisons. Mais on n'a jamais mentionné de raisons à avoir dans les catégories. Effectivement. Donc, Jennifer Lawrence a gagné. Apparemment, qu'il y a eu quelque chose avec The Fappening. Meilleur jeu vidéo PlayStation 2014. Oh. Eric, écoute, là, c'est le temps. Là. Dragon Age Inquisition. Mercenary Kings. Nice. T'es-tu malade, j'achète plus des jeux Day One. C'est quoi ça? Ça veut pas dire que... En fait, t'avais un an pour acheter un jeu sur la PS4, fait que t'aurais pu... Mais un jeu... Commentaire fait pertinent. Fait que lui, il attend qu'il soit vraiment... Même les jeux de 2014, il va attendre les acheter en Jean Coutu en 2018. Ouais. En fait, lui, là, la bine de DistribuSoft à 9,99 chez Pharmaprix. Là. Qui est malade en passant, j'adore cette bine. Infamous Second Son. Ah, j'ai joué First Light, puis j'ai vraiment capoté là-dessus. Ah, il est bon, First Light, il était gratuit. Mais non, mais là, j'ai le goût pour le Second Son. GTA là. 5. Pas ouais. Joué au PlayStation. Ça, c'est correct. Hein? Infamous Second Son. Flower. Oh. Dog Dynasty, Alien Isolation, y a quelqu'un qui a écouté le podcast, Alien fucking Isolation, joie à ça, c'est tellement bon. Destiny, GTA 5. Mais GTA Destiny, 5, c'est... Oh my God, hein, parce que c'est techniquement Diablo un jeu 2013. C'est New Gen. Peasant, NHL 15, Last of Us, Infamous Second Son, ah. GTA 5, Far Cry 4. OK, ouais. GTA 5. Moi, je mettrais Infamous juste parce que GTA est dans un mais sens Infamous, un jeu sur plusieurs c'est... consoles. Ah, mais il y a du nouveau un... stock. Ouais, fait. Mais il est nouveau sur l'autre console aussi, ouais. Que je veux dire, c'est plus pour ça. Mais tu sais quoi, moi, je vais dire, après avoir joué à Infamous First Light, je suis sûr que c'est la même affaire. Moi, j'adore les Infamous, j'adorais 1 et 2. C'est vraiment un de ces jeux-là que quand tu joues, à chaque moment... tu te rends compte que les consoles sont vraiment plus puissantes graphiquement. Ah ouais. Comme je suis pas là pour dire que c'est... C'est pas une guerre de consoles que je veux parler de, mais Infamous, il est très plaisant à l'œil à des moments. Ouais. Là. C'est vraiment écœurant. Meilleur jeu vidéo Xbox One. South Park. En fait, meilleur jeu Xbox, c'est vrai. Ouais. Parce qu'on limitait pas Xbox One. C'était Xbox ou Xbox 360. South Park, The Stick of Truth, Dragon Age Inquisition... Mais Xbox prend la poussière. Troll, style fanboy. Troll, fanboy de mort. Sunset Overdrive, Dragon Age. Forza Dragon Horizon Age, 2. Quoi? Ah, des exclusifs. Forza ouais. Horizon 2 puis Sunset Overdrive. Nice. Alien Isolation, Sunset Overdrive. GTA 5, Far Cry 4. Walking Dead, Sunset Overdrive. Xbox, c'est de la... Ah, oh, come on. attends, faut qu'on analyse, là. Fait que Xbox, c'est de la merde. En fait, on n'a pas le temps d'analyser. Ah, calice. On le fera pendant un autre show, Eric. C'est pas on grave. On le fera à Playroom. NHL 15. Forza Horizon 2. Je sais pas. Titanfall. Ah, c'est Forza Horizon 2. Forza Horizon 2 qui a gagné cette année. Ouais. Avec raison, c'est puis, vraiment puis bon. Sunset Overdrive, puis Sunset poche, Overdrive qui était que, très poche. Que j'ai trouvé très poche, personnellement. Mais c'était Jet Set Radio Future, ça, ouais, Sunset Overdrive, avec des guns. C'était Tony Hawk avec des guns, Jet Set Radio. Meilleur jeu vidéo PC 2014, Final Fantasy XIV, okay. League of Legends. Ben, j'ai essayé Criminal Case sur PC. C'est de la merde, les jeux Facebook. C'est un jeu iPhone aussi, plus que Hearthstone. Facebook. Ben ça, moi, je back le Hearthstone. Call of Duty, Démineur, Outpost, Assetto Corsa, South Park Stick of Truth, Goat Simulator MMO. Moi, je back Goat Simulator. Ah, mais c'est pas un MMO, c'est Goat un Simulator. MMO maintenant. Quoi? Tu ne savais pas que Goat Simulator a eu un update d'MMO? Il y a plein de Goats sur la même map qui font de la merde ensemble et ils ont des missions ensemble. C'est hey, un... ça veut dire que je peux jouer avec d'autres Goats? C'est un MMO, man. OK, je back ça. Hearthstone, Dragon Age, Borderlands Pre-Sequel, qui était très bon et qui a passé inaperçu, League of Legends, Final Fantasy XIV, Realm Reborn, Hearthstone, Super Time Force Ultra. Qui joue Ultra. Sur la Xbox aussi, Super Time Force Ultra. Oui, qui était gratuit. Certainly not Watch Dogs. Far Cry 4. Styx, Masters of Shadows. Ouais. Plants vs. Zombies, Garden Warfare, qui est vraiment cool. Peux-tu nommer un autre jeu qui sort de l'ordinaire qui n'est pas là? En PC? Oui, PC. Je l'ai envoyé à André cette semaine en vidéo, que j'ai dit c'est ton genre de jeu, puis je suis que l'a pas essayé pantoute. Mais sur Steam, je confirme. Il y a un jeu qui s'appelle I Am Bread. Puis, est-ce que t'es une tranche de pain? T'es une tranche de pain et tu te promènes en tant que tranche de pain en tenant tes coins et bouger ta souris puis tu t'agrippes après des affaires, tu t'en vas te toaster, devenir une toast. Ou des... Ça me faisait penser à Mr. Mosquito au PS2. Ah, sacrément! Un genre de puzzle malaisant à cause que t'es un maringouin dans un bain d'un vieux monsieur. Tu voulais jouer à ça? Mais check les vidéos de I Am Bread. Sérieusement, tu vas... Sure, tu vas devenir hypnotisé, toi, par ça. Tu vas l'acheter tout de suite. Puis tu vas twitcher live des vidéos d'I Am Bread. Des jeux de pain, c'est overrated. Mais comme les films. Meilleur jeu vidéo console portative. Pokémon X, Legend of Zelda, In-Between Worlds, War Games, Super Smash Bros. 3D. Oui. Faudrait demander à Bruno Jorget. Pourquoi? Bravely Default. Parce que Bruno, il joue pas mal au sur les jeux portatifs. Ouais. Super Smash 3D. Pokémon Whatever. That, c'est Pokémon puis Super Smash. Tinder. Mais Tinder, ça a des bons achievements, j'ai entendu. Calice, c'est wrong. Pokémon Omega Red. Legend of Zelda. Rogue Legacy. Locum Mil... Ah, calice. Super Smash Bros. 3DS. Pokémon Omega Ruby. Shovel Knight. Ça, le soundtrack était fucking bon, là, ça. Je sais pas. Ça, c'est bon. Ben, Pokémon a pas mal gagné cette année. Pokémon, puis Super Smash Bros. On est en 1998. Non, mais Pokémon a eu une évolution en 2014, assez pour me faire acheter une 3DS, jouer à Pokémon et revendre ma 3DS. Les nouveaux... Omega, là. Ah ouais. Hâte, là, les nouveaux jeux. Là, les c'est... nouveaux remakes des anciens. Ouais, là. Ouais. Allez, fait que... Le même jeu qu'ils nous revendent 20 fois. Ouais. Nintendo, je vous déteste. Super Smash Bros, il était pas payé aussi. Hey, ça, c'est une catégorie qui s'en vient, qu'on va avoir du fun avec, je suis pas mal sûr. La catégorie événement marquant 2014. Là. Tout seul, Jennifer Lawrence. Non, non, écoute, Nitz, t'étais pas tout seul à nominer Jennifer Lawrence. Tout le monde l'a fait. Puis personne l'a vu. Puis personne l'a vu, voyons. De quoi tu parles? Voir qui? Jennifer Lawrence? Jennifer Lawrence, ben, c'est juste pour Hunger Games. Hashtag moi, fatning. C'est dans mes événements marquants. Événements marquants 2014. Les nominés cette année sont Kim Kardashian, qui a brisé l'Internet. Le FIA. Le célèbre Gate, le Jennifer Fappening. Lawrence, Fappening. Ma première visite chez Target. OK? Les djihadistes canadiens partout. OK? En fait, si je peux dire, les djihadistes en général, je vais même les remercier on de ne pas sentir dans pas un là-dedans. Film. On n'embarque pas. Mais je me sens quand même dans un film des années 80. Là. Je veux que Schwarzenegger apparaît. Là. Monsieur Net, la fin et le teaser de Star Wars 7. Le FIA. Au Canada, le tueur d'Ottawa. Ah, attends, un autre djihadiste. Phil canadien. Spencer à la tête de Xbox, fuck les bolas pis les terroristes. Ok. Rise of the New Wave of Feminism. La rupture entre moi pis mon ex. Et il prenait ça personnellement. Ben, c'est vrai, quand même. J'étais juste à dire que le gars, il a nominé Tinder 3 juste fois. Ouais, pis il plug ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit que c'est un gars, par exemple? Ou la fille. Ouais, ouais. C'est peut-être... Hey, c'est la... Yo, ça, fais attention, peut, là, t'as pas entendu le New Feminist Rising? Là. Effectivement, le nouveau féminisme, puis après ça, préjugés, la personne qui a une rupture avec son ex, puis Tinder, Cuba Libre. Cuba Libre. Ah, c'est, en fait, ouais, c'est bien ça, parce que le Cuba, maintenant, qui va faire de l'échange avec les États-Unis début encore. Début du Tonight Show avec Jimmy Fallon. Ok, ouais, c'est vrai. Épisode des Griffin rencontre les Simpsons et Monsieur Net. Hey, je l'ai pas vu cet épisode-là. Moi, j'ai juste vu les Griffin puis les Simpsons. Pas avec Monsieur Net. Monsieur Net. Pour le monde geek québécois, le non-renouvellement de Monsieur Net. Gab Jonca sort avec Émilie Laliberté, Ermergerd. Le FIA. La mise au monde de Milter. Calisse, man, t'es en feu, mon Milter. Toi, t'as sharé pas mal le document. Moi, j'ai sharé ça, c'est mes pages. Fucking Ice Bucket Challenge. Festival Internet d'Alma. Milter. Le beef de Milter avec Roxane Baby Boublet. Ok. Ah, ça, c'était drôle, ça. Deux avions disparus sans traces. Que ça, j'avoue que... En fait, la deuxième, elle a des traces, là. Je sais pas. FIA. Mais le FIA a l'air gagné. On n'est pas allé, mais on ne pensait pas d'y aller. Faut y aller l'année prochaine. Faut que ça donne. On prend des vacances la semaine prochaine. Sinon, le Fappening... L'année prochaine. ...était un autre événement fort. Milton, t'as à choisir entre le FIA et le Fappening. Tu prends quoi? FIA est le bon choix, c'est FIA. C'est FIA le bon choix. Parce que le Fappening, j'ai aucunement eu la chance de voir quoi que ce soit de ça. Dit-il en riant. Il me fait quasiment un clin d'œil sur le bord du micro. Je pense que j'ai eu comme 25 shares sur ma page le jour même. C'est check ça, tac, tac, tac, tac, tac, tout le monde. C'est comme arrêter, je vais me faire arrêter. Je les ai vus, c'est... Ouais. Je les ai vus, je vais me faire arrêter, arrêter de partager ça. C'est le FIA qui gagne. Fait que le FIA a gagné. Ouais. Là, catégorie humoriste 2014. Selon vous, là, avant qu'on aille au nominé, là, qui a gagné 2014? Comme humoriste? Ouais. Au Québec? Peu importe. OK, ben Bill Cosby. Bill Cosby, sacrément. Sinon, au Québec, je vais avec Sugar Sammy. Sugar Sammy, moi, avec, je pense. Juste parce qu'il a réussi à parler de lui. Ce gars-là, je l'adore, man. Eh ouais. Je l'adore vraiment. Il est drôle, puis il s'en colle. Eh oui, il guide tout ça le monde. Prend ça. C'est ça qu'il faut. Ouais. Beau malaise, hein? Fait qu'on on lit-tu les choix pareils? Milter, vas-y juste... avec les choix. Ben, Sugar Sammy, Jonathan Drouin. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Hey, quoi? Prends ton temps. Ok, Jonathan Drouin. Sugar Sammy. Fucking Mike Patterson. Sugar Sammy. Mariana Mazza et Virginie Fortin. Mike Ward. Bill Burr. François Bellefeuille, moi, Jimmy Carr, François Bellefeuille, que je vais voir en show dans 2 semaines, je pense. Sérieux? Ouais, j'ai acheté les billets il y a comme 13 mois. Sugar Sammy encore, Mike Ward, François Bellefeuille et Catherine Levac, une franco-ontarienne que Eric doit très apprécier. Pat Vaillancourt, un grand clown québécois. François Bellefeuille, moi encore, François Bellefeuille. Je pense qu'on peut dire que François Bellefeuille a gagné. Il y a Dave Chappelle, pour je sais pas quelle raison. Nick Offerman, Corinne Côté, très drôle. Martin Matt, Marc-André Boudreau. Mais François Bellefeuille est là comme 25 fois. Fait que... on peut lui dire humoriste de l'année. François Bellefeuille, humoriste de l'année. Il est où, mon faucon? Qui est très drôle. Il n'y a plus juste sa joke de faucon. Hey, là, André, là. Mais je t'ajoute dans mon humour québécois. Je m'en vais le voir en show, là. Fait que c'est la preuve que je le trouve drôle, tu sais. Fait que François Bellefeuille. Chanson 2014. Choix des auditeurs. On débute avec... Milton, chante-nous un petit extrait, s'il te plaît. J'ai quasiment un blanc. Blame it on me. Oh, oh. Don't blame it on me. Don't blame it on me. So blame it on the fait night. Fait que Calvin Harris, Blame it on the night. So blame it on me. Tu peux la hacker FJJ Crew. Okay. C'est la toune de fun jouer jeu. Manette dorée. Eh, calice. On la est-tu dit pour faire une manette dorée, je pense? Tu devrais faire un épisode spécial, manette dorée. Blame de Calvin Harris. Il y a une deuxième nomination pour ça. Come and Get Your Love, Guardians of the Galaxy. En fait, ouais, c'est d'autres bandes, mais c'est... Papa Outé de Stromae, ouais, lol. Stromae de merde. Bas, du beat poche. Milter qui chante Last Christmas de Wham en français. Oh! C'est, dans le fond, c'est du Marie-Ève Janvier que je chantais, son chum Jean-François Brault. Boum Boum Boum de Mika. Y'a pas d'LOL ce coup-là? Non. Le rap à Billy. Sugar Free Tiara. Il y a quelqu'un qui aimait vraiment Tiara. Against Me, Transgender Dysphoria Blues. Hooked on a Feeling, même si elle n'est pas sortie en 2014, et Everything is Awesome, Lego the Movie. Anaconda, oh. Parenthèse quand même. Nicki Minaj. Highball Sleeper de Jack Wall. Jack White. White. Jack Wall, c'est chiptune. La nouvelle toune de Marc Dupré. Oh, celle que tu nous faisais écouter à l'épisode spécial de avec Conservatoire Rétro. Michael LaRouche. Firework de Katy Perry. L'album de Noël de Joël Legendre. Oh, sacrement! Attends un peu. La la la la. La la la la. La la la la. La la la. Je sais pas c'est quoi ça. C'est la même personne qui a nominé Justin Bieber comme meilleur acteur. Fait. No Flex Zone, Carmen et Watsky. Oh, Watsky. Un lien YouTube! Ah, sauf là, c'est une tonne, on pourra pas l'entendre. Mais on va voir le titre. Operators. Attends un peu. Go to Link. Marina and the Diamonds, Happy Acoustic. Ouais, Marina and the Diamonds, j'avais bien aimé ça cette année. Et Operators moi, Ancient. Tous les choix sont pas là. À date, là, c'est Calvin Harris qui gagne. Moi. God, bon, ben, blame it on me, Calvin Harris. Non, blame it on Milter. Blame it on Milter, faute. Man. Blame it on everything. Fait que, ça c'était la meilleure chanson de 2014, la meilleure BD de 2014. Saga de Brian K. Vaughan, La fin de Naruto, les webcomics de Botched Spot.com, Court of Owl, Suicide Squad New 52. C'est pas ça qui inspire le nouveau film aussi, là, les Archie New 52. After... Suicide Squad, ouais, ouais, c'est basé, c'est le nouveau film. Archie Afterlife. Bah, moi, le meilleur que j'ai lu, c'est Punk Rock Jesus, mais je crois pas que ça date de 2014. Ben, si tu l'as lu en 2014, ça compte pour nous autres, t'in. Et voilà. Walking Dead, les Archies. Archie, à date, il y a 2 votes. Ils sont toujours bons sur le bas. Attack on Titans, Saga, un 2e vote. Hawkeye, Hiver nucléaire. Je ne lis pas de BD, alors je vais dire que j'aime l'odeur des pissenlits. Oh. Ben, ça serait un bon titre de comic, ça. Ouais. Je sais tout de Pierre Bouchard. Walking Dead avec des points d'interrogation. Il est pas sûr. Il est pas sûr, Walking Dead. Fait que ça, c'est moins 1 pour Walking Dead? Ben, juste un 0. Watsky. Ok. qui est pas un rapper. Ah non, ça c'était la suite de l'autre réponse. J'aimerais prendre note aussi qu'André est rendu qu'il skip la personne qui a nominé Milter dans tout. Je skip dans tout. Fait que là, dans le fond, c'est un. C'est soit entre Saga puis Archie. Ouais. Moi, je pense Saga mérite de gagner. Moi, je pense Archie. Archie Afterlife mérite de gagner. Manger de la merde, ouais. Calice. C'est original. Ok, Archie Afterlife. Ils ont donné une nouvelle vie à ce que Archie est. Parce qu'avant, c'était comme Eric dit, c'était de la niaiserie que tu lis sa balle. Tu sais, à start. C'est veux... toujours ça, en fait. Non, mais Afterlife, puis tout. Je vais vous passer les sagas, veux... vous les lirez, puis on en reparlera. Ouais, astille. Archie. Meilleur livre de 2014. In Caca Veritas. Thérapie Sébastien Fitsec. Oh. La gloire de José Nito Michaud. Ça, c'est bon, ça. Je suis pas un gros lecteur, mais j'ai conclu la série Malfa de Sénécal et j'ai bien aimé. Game of Thrones, c'est le seul que j'ai lu. L'ignorance de Kundera. Harry Potter, point d'interrogation. Smart Cuts par Shane Snow. Interdit de rire. C'est quoi un livre? Good job. C'est un titre, ça? I'm not that smart. Good job aussi. C'est un titre aussi. Tu sais, des fois, c'est peut-être un titre. De... Mercy Thompson. Holmes de Joe Hill. Pas 2014, par exemple. Horns, pardon. OK. Moi, je vais y aller avec La gloire de José Lito Michaud. Parce que c'est moi qui l'ai écrit. Moi, je vais aller avec trois fois par jour. Ça, c'est un blog, Eric. C'est pas un livre. Non, il y a un livre aussi maintenant. Qui a vendu assez fort. Sais-tu quoi, je vais te backer là-dedans trois fois par jour. Juste, ça me tente de foutre la merde. Let's go. Marie-Lou, Alex Champagne. Il nous reste une catégorie qu'on a skippée parce que je l'ai rajoutée à la fin. Qui est vide. La catégorie meilleur jeu Nintendo de 2014. C'est parfait qu'elle soit vide de même parce que d'après moi, il n'a pas. Donc, le meilleur jeu Nintendo 2014. Super Mario 37. Super Smash Bros. Ils veulent sûrement dire le Mario Maker. Là. Probablement. Hein? Super Smash Bros. Super Smash Bros. Monster Hunter 3 Ultimate. Qui est sorti en 2012. L'update de leur firmware. Mario Party 9. Zelda. Hyrule Jonathan Warrior, Milter. Sûrement. Mario Kart 8. Je sais pas. Mario Kart 8. À date, c'est Super Smash qui a gagné. Ouais. Ben, techniquement... Mario Kart 8 puis Super Smash, c'est deux très bons jeux, mais pour moi, personnellement, ils n'ont pas une vie assez longue pour que j'investisse pour. Je vais jouer avec grand plaisir si je vais chez un ami, puis il l'a, puis on décide de jouer à ça toute une soirée. Mais personnellement, je suis pas plus impressionné que ça, mais j'avoue que c'est les deux meilleurs jeux qui ont sorti. Moi je suis passé épileptique. Puis les Amiibo, hein, faut pas oublier les Amiibo. Les Amiibo. Nintendo, c'est pas un jeu, mais c'est tellement un step dans le futur avant-gardiste qu'il faut pas oublier de mentionner qu'en 2014, ils ont sorti des Skylanders. Mais là, la vraie question, là, c'est que là, on a eu plein de choix des auditeurs qu'on va mettre sur le site web, mais si vous aviez une chose à vous rappeler de 2014, ça serait quoi? Un seul événement. Ouais, t'as une affaire à te rappeler de 2014, c'est quoi? Puis là, c'est pas stagé, là, je vous arrive avec cette question-là, là, puis bang! Y a tellement d'affaires avec et sans importance, on dirait, qui me vient en tête. Ce qui est cool, c'est que je vais couper tous les moments d'hésitation, puis ça va être super rapide. Ça va être rapide au bout. Moi, je bégaye, c'est con, là, mais je vais dire l'expansion que le web québécois a réussi à prendre en crédibilité face aux médias traditionnels. C'est bizarre, moi et Eric, on l'a pas vu, celle-là. Non, mais je comprends un peu qu'est-ce qu'il veut dire. Check juste le show qu'il y avait à Musique Plus, que oui, il a été cancellé, mais c'est pas à cause du show en tant que tel, c'est à cause de la transition de propriétaire de Musique Plus et tout. Mais ce show avec Mike Ward a mis plein de talents web dans l'œil du public qui ouvre des portes. Il y a du monde qui le voit pas, nous autres non plus dans un sens, mais le podcasting prend un peu de crédibilité. Il y a des vedettes web qui deviennent des vedettes TV, des vedettes plus connues, si on peut dire, qui parlent, qui se font demander leur avis, qui... Tu sais, il y a une crédibilité qui s'installe tranquillement, puis je pense qu'en 2014, on a commencé à le voir plus, puis c'est ça. Fait que je vais y aller général, parce que sinon je pourrais dire Marie-Chantal Toupin qui écrit en caps lock pour prouver que c'est vraiment elle. Mais en même temps, ça a l'air tellement ridicule comme événement. Puis, tu sais, ça fait tellement 1998 comme réflexion de la chanteuse. Quand tu dis c'est en 2014, mais qu'en même temps, c'est un moment écœurant, genre. Mais je dirais pas ça. J'aurais pu. Mais ça sera pas ça. Fait qu'en gros, le web qui prend de l'expansion. OK. En crédibilité. Rick? Je veux pas aller avec le web QC. T'es pas mais... obligé de me backer. Mais non, mais... c'est parce que j'aime qu'est-ce que j'aime la branche qui est le web QC, mais l'Internet en général, je trouve qu'il y a bien du stock à offrir là-dedans aussi. Mais c'est plus le phénomène populaire... mais qui s'est rendu populaire de regarder des gens jouer des jeux vidéo. On dirait que comme je sais que c'est peut-être pas 2014, mais on dirait que ça a vraiment pris de la place en 2014 mais pour ça moi. Ça a une crédibilité, je trouve, à cette heure, on dirait. Tu peux dire, j'écoute quelque chose sur Twitch, sans que t'as de l'air d'un asti nerd de sous-sol, bâtard, que le monde fait. Depuis ouais, quoi, comme, c'est correct pour dire, comme tu sais, j'étais avec mon boss à la job, qui est en train de me dire qu'il a regardé un heure de personnes qui jouent à League of Legends. Puis dans ma tête, je suis comme, Carlis, je suis surpris. En fait, je pense qu'en 2014, puis c'est les dernières années, mais ça commence vraiment à arriver, c'est la fameuse règle que l'audience et le contenu a jamais été aussi vrai. Ouais. L'audience et le contenu. Tu vas voir des choses qui se passent sur Facebook, ou ce que t'es là, pis t'es comme, what the fuck, c'est qui cette personne-là, pis qu'est-ce qui se passe? Pis à cause que t'as une petite connaissance de comment que ça fonctionne, les réseaux sociaux, tu vas regarder sur cette personne-là, tu vas regarder leur page Facebook, tu vas être creeper, pis lire un peu qu'est-ce qui est arrivé dans la dernière année de leur vie, pis t'es comme, fuck, c'est qui cette personne-là? Pis Facebook pourquoi... est plus divertissant que la télévision pour ça. Ouais, c'est assez spécial. J'ai vu des choses assez spéciales à travers de Facebook. Puis, je pense voir l'ampleur de l'audience qui est le contenu, c'est vraiment spécial. Puis, on fait juste commencer. Là. Oh, c'est okay. Comme, je sens qu'il y a quelque chose que je sais pas c'est quoi, mais il y a quelque chose qui est là. Comme quand t'as comme Joe qui nous dit l'autre fois, comme, faut que tu vives le web QC. Puis, je dis pas que je le vis quotidiennement, mais quand je vois de quoi qui se passe, je veux dire, je peux regarder un peu la gang qui trippe dans de côté-là un peu, puis tu peux lire un peu tout leur univers, puis c'est comme une chaîne de télé un peu, c'est, je sais pas comment expliquer, ça peut peut-être aller plus loin comme discussion, mais l'audience et le contenu, man, puis j'ai aucune idée où ça s'en va, puis on dirait que ça s'est vraiment explosé cette année. Ce n'est qu'un début. Ouais, puis c'est ça qui est freakant un peu, là. Comme c'est qu'un début, là. T'sais, regardez ma mère qui a une classe de fucking crochet dans son petit village à cause qu'elle vend son image en ligne, puis elle commence à comprendre comment que ça marche, puis tu vois tout le monde qui commence à comprendre. Non, mais c'est ce que c'est, là, puis je trouve ça fou un peu. Puis je sais pas c'est quoi, comme je sais juste pas c'est quoi. J'ai jamais été aussi, puis merci Van Damme pour le mot, aware du fait qu'il y a de quoi qui se passe, puis j'ai aucune idée c'est quoi, là. Comme je peux juste l'observer puis y participer à ma manière, mais je sais pas c'est quoi. Il y a de quoi qui se passe dans nous qui devient le contenu. Comme les nouvelles, je m'excuse, mais on a eu un drame vraiment fucked up dernièrement. Puis ceux qu'on nous écoute, là, on est au début de janvier, puis il y a les affaires de Charlie qui vient d'arriver. Je vais pas aller loin dans le sujet, mais on reçoit tellement de l'information en temps réel maintenant que les gens ils savent même pas comment l'absorber, là. Puis ça me fait triper, ça. Ça me fait triper que t'écoutes des nouvelles en direct, puis eux, ils commencent à se fier sur l'Internet, puis sont en train de dire du gros n'importe quoi, de plein de choses. Je partageais des vidéos de ça cette semaine sur ma page. Il y en a tellement, là. Avant que TVA Nouvelle partage la même vidéo, genre une couple d'heures après, puis j'étais comme, ah, dans tes dents, TVA Nouvelle. Non, mais c'est ça. Comme je te dis, je sais pas c'est quoi, mais c'est ça. L'ampleur de l'audience qui est le contenu. Je pense que c'est un... Moi, 2014, si j'ai à retenir quelque chose... Ah, mais j'ai reçu une PS4. Anyways, whatever. c'est culture web. Ouais, hein? Ouais. C'est... La culture web... Elle prend de la place, là. Pour moi, c'était quelque chose, tu sais, c'est comme... C'était idyllique, c'était... Tu sais, je me souviens quand j'avais quoi, 15, 13, 14, 15 ans, j'étais sur MIRC, sur FNET, puis là, tu chattais, puis là, puis tu parlais au monde, puis c'était comme, tu sais, puis je me souviens, j'étais jeune, puis je parlais à mes parents, puis j'étais comme, tu comprendrais pas, c'est Internet. Ouais. Tu comprendrais pas, tu sais, c'est... T'es, t'as 13-14 ans, puis tu passes tes soirées à chatter avec du monde en ligne, t'y connais pas, puis tu vas à Ronde, puis t'y rencontres, tu dis comme, hey, c'est moi, Decker, c'est Internet. C'est FNET, asti, c'est moi, Potman48, puis... Puis, tu sais, puis, ce monde-là comprenait dans le temps, mais à cette heure, t'écoutes TVA Nouvelle, puis il y a comme une référence à Metal Gear, puis ça, c'est leur nouvelle, puis ils font comme, tu sais, par rapport à Charlie, ouais. Tu sais, hey, c'est une recréation d'un jeu vidéo, puis les nouvelles checkent plus leur... Tu sais, les nouvelles savent pas comment s'adapter à la culture web. Le web va trop vite. C'est rendu que les gens utilisent Waze. Puis, tu sais, on avait parlé un moment donné cette application-là de GPS, là, ouais. Waze, et puis là, ça dit, oh, il y a du trafic ici, de la police, là. Il y a des gens, il y a des phénomènes comme le David Stee qui est en ligne, puis Chris, j'ai même pas été capable de tout suivre. Tu sais, c'est incroyable, là. Puis, comment je peux dire, la culture web a tellement pris de l'ampleur que c'est rendu difficile de comprendre, de savoir où ça s'en va, où ça arrête. Sauf qu'il y a une affaire que je suis content, par exemple, c'est que on dirait le reste de la planète commence à allumer. Les médias traditionnels commencent à essayer d'aller chercher leur partie de la culture web. Pas le choix. Les jeunes, je peux-tu dire ça? Je vais avoir 32 ans, calice. Non, oui, les jeunes, parce que tu commences. Les jeunes sont habitués là-dedans. Ils sont nés avec Internet. Ils sont nés avec Internet, puis c'est incroyable. Je trouve que 2014 a été une année percutante pour moi là-dessus. Il y a eu un festival de l'Internet à Alma. De toutes les fucking villes au monde, Alma a eu un festival de l'Internet, puis ils comprennent la web culture, puis props à Joël pour ça. Il y a eu du drama. Il y a eu du drama, il y a eu plein d'affaires. Mais tu sais, d'un autre côté, c'est que la culture web a pris de l'ampleur, puis on peut pas ignorer la culture web maintenant. Les webstars, les blogs... Les gens que par seulement un Facebook réussissent à changer le monde, faire passer un message, puis des choses comme ça, on est rendu là. Toute là, la patente, comme moi aussi. Là. Ouais. Tu fais qu'est-ce que t'as à faire. Ouais. Ben, le web, on a toujours dit que c'était pour en être ce qu'on en ferait, mais c'est encore pire en 2014, si je trouve. Si tu dis que le web, c'est de la merde, c'est parce que t'en fais que c'est de la merde, tu t'en sers pas comme du monde. Fait que c'est ta faute, puis personne d'autre. Non, mais on avait déjà parlé un peu, là, mais tu sais, on parle des clics de web, puis t'as les groupes. Comme autant qu'il y a du shit qui se passe dans. Comme moi, je m'amuse, c'est ainsi, puis des affaires comme les playgrounds, puis regarder des hangouts live, tout ça, ça me fait triper. Mais tu sais, parce que l'audience et le contenu encore, je reviens à ça. Mais me promener sur Facebook, puis aller dans des villages, dans des groupes ouverts, puis trouver du drama d'un petit village au Wisconsin où ce que t'as tout ça qui se défoule sur internet puis t'es en train de lire tout ça, moi ça me fait halluciner là, c'est puis je suis là puis ça fait 20 minutes que j'étais en train de lire l'histoire d'un dude que je vais jamais rencontrer dans l'état du fromage dans les États-Unis, puis je suis comme tabarnak, je viens de passer une demi-heure à me divertir avec une histoire que j'ai zéro rapport avec parce que j'ai cherché pour. Mais là j'ai le goût d'acheter une PS4 pour Playroom. C'est parce qu'on va faire un Playroom. OK. Dernier segment, messieurs. Si vous aviez une résolution à prendre envers nos auditeurs puis envers les gens qui ont supporté le collectif tout au fil de 2014, vous avez une affaire à prendre, une résolution en 2015 face à nos auditeurs. Peux-tu commencer? C'est quoi? Écris pas abonne-toi dans ton compte Facebook. Fait que t'écriras jamais abonne-toi dans ton compte Facebook. Jamais, jamais, jamais, jamais. Écris jamais ça. Écris jamais ça. Jamais ça. Puis si tu le fais, what the fuck? OK. Fait que ça, c'est ta résolution 2015 ouais, envers c'est les auditeurs. C'est un conseil que tu leur donnes qu'une ouais. résolution. Non, mais on parle de l'audience qui est le contenu. Je suis autant auditeur et je me considère autant le contenu pour certains gens, des fois, sur les médias sociaux. Ouais. Je vais jamais écrire « abonne-toi ». Milter, si t'avais une résolution? Je dirais qu'il faudrait qu'on fasse plus de contenu « nowhere ». Ouais, ça serait bon, ça. Ouais. Pas rien que des épisodes, si on est capable de rajouter des maudits fillers, là. tu sais, entre les semaines, faire des vidéos, faire... des playrooms. Si on va en quelque part... Avoir un compte Snapchat du collectif? Genre, comme ça, on peut vous envoyer plein de belles photos mystérieuses. Mais en effet, c'est con. On peut-tu partager un compte Snapchat? On pourrait certainement partager un compte Snapchat. Ça m'intéresse. On se donne le password. On se donne le password, puis on envoie plein de photos. Pas de coq? Non. Puis pas de caca. Le monde, je pense pas qu'ils veulent voir ça, mais ça resterait des affaires geeks. Non, mais c'est pas Milton qui faisait ça, il mettait des visages dans son caca. J'ai déjà fait ça au début de Snapchat, mais je l'envoyais juste à des personnes spéciales. Je devais pas être assez spécial, thank God. Mais là, je n'ai fait de la merde sur Snapchat. Mais tout ça pour dire, on pourrait juste fournir plus de contenu via même la fanpage, tu sais, ou de quoi. Je sais pas, là, que ça aide juste des épisodes. Si on est ensemble, puis on a tous des cellulaires, là, on se fait une petite vidéo nowhere, on s'en va à un événement, on se fait, même si c'est pas monté. Extrême comme Gab Jonka frette son shit, là, tu sais, là, on n'est pas des monteurs exceptionnels de talent comme lui, là. On filme un petit quelque chose juste pour dire, hey, on est à telle place, une vidéo, deux, trois niaiseries qu'on garoche, puis, tu sais, je sais pas. Ouais. Je pense qu'effectivement, on va falloir qu'on filler, augmente des juste images qu'on... sur la page, poser des questions, tu sais, rentabiliser l'interaction avec le public. Peut-être essayer une niaiserie comme à tous les jours on pose une question avec une image ou tu sais juste un ça contre ça ou tu sais qu'est-ce que tu penses tel Jago ou TJ Combo t'sais. Niaiserie de même j'avoue que ça pourrait être popé juste rajouter de l'interaction rajouter de la discussion faire que le monde se parle que les fans se connaissent puis je pense que c'est une résolution qu'on pourrait prendre pour essayer d'en mettre encore plus peut-être pour le podcast au moins l'interaction sur la page, pas le show en tant que tel. Là. Notre show, il est assez bon de même. Fait que... C'est ça. Moi, je pense que si j'ai une résolution à prendre en 2015 pour nos auditeurs, c'est pas vraiment une résolution, mais c'est un engagement que je prends avec vous autres. On va faire un show live. Ouais. Aussi cool, simple ça. Que ça, on va aller à une place, on va faire un show avec vous autres. Peu importe qui t'es. Dans ton salon, on vient chez vous. Ouais. Tu veux qu'on vienne chez vous? On va venir enregistrer chez vous. Y a pas trop... Non, mais on va faire un show live. Je veux rencontrer le monde. Je veux jaser avec le monde. C'est cool. Gars, quand on a fait Comic-Con avec la table de RZO, là, c'était malade. Puis on a pu jaser un paquet de monde, tout le kit. Ça va être live. Puis on va être avec eux autres. Puis on va faire jaser avec le monde, les faire interagir dans l'émission. Puis j'aimerais ça avoir tous nos invités. C'est con à dire, là, mais la minute qu'on fait un show live, je veux que tout le monde qu'on a eu comme invité vienne, puis Chris jase avec nous autres. Ça va être aussi simple que ça, puis c'est un engagement que je prends pour 2015. Je sais pas quand, je sais pas comment, mais on va se booker de quoi, on va vous travailler un concept, on va vous le livrer en 2015, puis ça va être aussi simple que ça. Ouais, je suis partant, moi. Ça a du sens? Wow. Oui, absolument. Ça sera probablement au Club Brouhaha. Probablement. Si ça... tout va bien, on va faire un playroom en même temps, puis on va pouvoir streamer des Mexicains qui font un film du crack en battant leurs femmes, c'est ça, Rick? Non, non, ils les battent pas, ils vivent des beaux moments. Ah, ok. Très sous, mais des beaux moments. Ça va être vraiment génial. Donc, ben, ce fut déjà... l'épisode 53 du Geek Collectif. On a revu 2014 de A à Z. Oui. Merci d'avoir été avec nous encore une fois. On vous invite à utiliser votre monnaie courante sociale. Allez partager nos épisodes. Faites un like sur la page Facebook. On a franchi les 1000 ce soir. Merci beaucoup. Des 5 étoiles sur iTunes. 5 étoiles sur iTunes. Hey, très honnêtement, là, c'est l'affaire qui démontre le plus que vous tripez sur le projet puis qui nous aide à rejoindre d'autres auditeurs. Allez mettre des étoiles sur iTunes. Partagez les liens, que ce soit sur Facebook, Twitter, sur Tsu, sur Hello, Instagram, peu importe. Sur Snapchat, partagez-nous. Sur Snapchat, partagez-nous. Mais l'important, c'est faites connaître le collectif, puis on va vous être éternellement reconnaissant. Donc, mon nom est André Paquette. J'anime le collectif depuis maintenant 2 ans. Vous pouvez me rejoindre via Facebook. Vous pouvez me rejoindre également sur Instagram et Twitter au @uzumakiqc. Je suis également sur Xbox Live, PSN, Steam, etc., etc. Aidez-moi, on va jouer une game. Peu importe, je sais pas, je suis sur GTA, je suis sur un paquet d'affaires de même, mais on va avoir du fun. C'est aussi simple que ça. J'ai bien hâte de jouer avec vous autres. Eric, les gens qui voudraient te suivre. Oui, Montréalien, un peu partout, Xbox, PlayStation Network aussi. J'ai même mon PlayStation Plus avec PS4 maintenant. C'est ça, je suis pas mal Montréalien partout. Là. Ton Playroom, c'est-tu Montréalien? J'ai pas de caméra encore, mais mon Playroom serait sûrement Montréalien. Mais c'est ça, Montréalien. Si tu googles Montréalien, j'apparais un peu dans plein de petites choses. Milton? Moi, j'ai pas de page Wikipédia par contre. Ça dit que t'existes pas. T'as pas encore de page Wikipédia. Peut-être faut que j'aie tué quelqu'un ou quelque chose. Moi, vous pouvez me rejoindre sur Facebook. Même si vous voulez pas, je risque d'apparaître dans votre newsfeed. Fait que c'est ça. Sinon, Zombie Milter sur Twitter. Et vous pouvez me rejoindre sur Xbox One, Milter 687. Joinez le crew à GTA. On fait de la marde, c'est drôle. On crée des niaiseries, on se filme. On fait des vidéos, puis après on partage ça partout dans les feeds des gens. Et ils capotent parce qu'ils disent « Arrête de poster des vidéos de GTA, ça fait un an! Un an qu'il est sorti le jeu, puis t'es encore pogné! » Et oui, je le sais, je fais ça. J'aime la voix maintenant. Je sais c'est quoi la voix que Milton entend à chaque fois que quelqu'un chiale sur Facebook. Moi, c'est la voix de... Soit ça, ou des fois, je leur donne un accent français quand je veux qu'il soit vraiment désagréable dans ma tête. Donc, mesdames et messieurs, merci d'avoir été parmi nous. On se rejoint dans 2 semaines. Et sinon, suivez la page Facebook pour plus d'informations. Vous allez être au courant de ce qui se passe avec le collectif. Merci à vous et bonne soirée. Bye. Hey, André. High five.